On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, ta parole, c'est notre guide, c'est notre norme de vie. C'est la seule source que nous avons qui nous parle de toi, qui nous dévoile ta personne. Donc, on te demande, Seigneur Dieu, qu'on recherche toujours à comprendre qui tu es, afin qu'on puisse te servir et te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On est au chapitre 4. On va voir Caïn et Abel. On va faire le chapitre 5 aussi, mais ça va être plus survol, le chapitre 5. C'est juste les généalogies. Donc, on va y passer. On va s'arrêter sur 3-4 versets pour comprendre l'ensemble. On est toujours en train de voir qu'est-ce que Moïse a dit au peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous savez, mais quand l'Église catholique a commencé, l'Église catholique, son arrière-plan, c'est l'Église chrétienne. Ils n'ont pas inventé l'Église catholique. Ils ont donné un nom. Constantin a donné un nom, mais c'est l'Église qui s'était éloignée. Donc, on dit que l'Église a commencé par s'être éloignée pour arriver à un moment donné que Constantin a parti de l'Église catholique romaine, puis il y a des chrétiens qui ont joint en général à cela, puis il y en a d'autres qui se sont retirés. Mais si on dit que Constantin, 400 ans à peu près, Constantin et Jésus, on voit à quel point c'était changé. Donc, quand on dit qu'il y a 400 ans d'histoire entre, mettons, Abraham et Noé, il s'en est passé de l'eau sous les ponts. Nous, on ne s'imagine pas tout à fait à quel point ça peut changer dans l'espace de 400 ans, la foi. Si vous lisez l'histoire de l'Église de Jésus à nous, si vous regardez l'Église, là je parle juste des Églises évangéliques ou des Églises judéo-chrétiennes, c'est dit qu'il y a des choses qui ont changé à s'en allant, c'est épouvantable. Donc, mais l'Église catholique, là, il y a 4 de Constantin, elle ne devait pas être autant transformée, peut-être probablement non, non, elle a changé comme aujourd'hui. Non, elle a parti, elle a ajouté à tous les siècles, elle ajoutait le baptême des enfants, les purgatoires, ça s'est ajouté en s'en allant. Donc, on a mis à marquer les reliques, ça a toujours été. Là, on a amené le pape dans une position spéciale. Donc, ça a toujours changé. Les églises, que ce soit évangélique ou catholique, ou romaines ou musulmans, les églises sont toujours en mouvement, comme la société est en mouvement, tout le temps. Donc, les gens qui adhèrent à l'Évangile sont différents aujourd'hui qu'ils étaient il y a 500 ans. Donc, automatiquement, on arrive avec des bagages différents, il faut se débarrasser de nos vieux bagages, reprendre les bagages. J'ai lu un livre, c'est Manque d'électricité, j'ai téléchargé un livre dessus pour pouvoir le lire pendant qu'on manquait d'électricité. C'est C.S. Lewis, le livre qui s'appelait Mere Christianity, c'est une chrétienté qui était simplement la chrétienté. C'est S.O.S., vous peut-être jamais entendu parler de lui, mais c'était c'est un gars qui c'était une bolle. J'étais allé lire c'est des émissions de radio qu'ils ont mis ensemble pour faire un livre. Il donne un argument lui en faveur d'un Dieu, un argument logique, intellectuel, philosophique, comme de quoi Dieu existe. Donc, lui, il part avec des idées, puis c'est très bien ce qu'il dit, c'est très bien ce qu'il dit. Je faisais penser à R.C. Sproul un peu, deux philosophes, deux docteurs en philosophie, les deux. Donc, ils ont une logique, ils posent des questions, puis ils répondent, quelle est la meilleure réponse, selon vous autres, vous pensez. Donc, vraiment intéressant, puis il vient jusqu'à Jésus-Christ, ça arrête là. Donc, il ne va pas plus loin dans son argument. Lui, ce qu'il veut montrer, c'est que il faut les êtres qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui sont intelligents, arrivent à croire que Dieu existe. Donc, c'était comme ça qu'il a fini son histoire. Donc, les gens qui disent que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'ils n'ont pas arrêté, ils ne se sont pas interrogés, ils n'ont pas voulu vraiment savoir. Parce que quand tu poses des questions, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait un Dieu qui a créé le monde. Puis, ce genre de Dieu-là, c'est le Dieu du christianisme. C'est lui qui répond à la question. Donc, quand on arrive à, je vous dis tout ça, là, parce que quand j'arrive à Moïse, qui se retrouve 2000 ans, là on a 2000, c'est pas 300 ans, c'est pas 2000 ans, on pourrait dire de Jésus à nous autres, là on pourrait dire de Abraham, de Noé, Adam, aller vers Moïse à peu près quasiment 2000 ans. Okay. Mais Constantin, là, tu dis qu'il a parti l'Église catholique. Là. C'est la même Église qui a juste, il a juste donné un nom. Voilà. Puis il l'a mis sous la tutelle de l'empereur. Il l'a mis sous la tutelle de l'Empire romain. Il n'a rien inventé. L'Église était déjà existante. Mais il a donné un nom, puis il l'a mis sous l'emprise. Il y a plusieurs qui donnent... Il y a plusieurs positions par rapport à Constantin. Était-il chrétien ou pas chrétien? Y a-t-il une espèce de petite effervescence chrétienne pour quand il a décidé de faire ça? Il y a toutes sortes d'opinions. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais lui, il a donné un nom puis il l'a emmené sous l'Empire de Rome. C'est ça qu'il appelle ça l'Église universelle romaine, l'Église catholique. Catholique veut dire universelle, l'Église catholique romaine. Donc, c'est de là l'Empire contrôlait l'Église jusqu'à un point, dictait à l'Église les limites qu'elle avait à prendre. Pourtant, ces mêmes Romains-là qui tuaient les chrétiens, là, qui avaient des conflits avec les Juifs et les chrétiens de l'époque. Mm. Fait que lui, il va aller mettre ça sous la gouverne de l'empereur. Oui. Une des raisons que la majorité a accepté, c'est parce qu'il était déjà assez éloigné pour adhérer à ça. Et la petite gang qui n'ont pas voulu, qui avait gardé la foi, qui avait gardé l'Évangile, se sont pas joints à cette... ils se sont retirés, ont fait chambre à part, on pourrait dire, dans leur façon. Et c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Donc, ils ont adhéré parce qu'il y avait déjà pris une tangente. Mais on le voit dans, quand on a vu l'Apocalypse, si vous lisez un peu l'histoire, vous allez voir, OK, 1500 ans, ou 150 ans, 200 ans après Jésus, on s'éloigne tout le temps. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, les Juifs, eux autres, qui ont 2000 ans d'histoire passée d'Adam, et qui ont passé le déluge, qui ont passé la tour de Babel, qui ont passé Sodome et Gomorre, qui ont passé les 400 ans en Égypte, ils arrivent à Moïse et leur compréhension de Dieu, c'est assez belle. Mais pour nous autres, on va voir que quand on arrive au chapitre 6 de la Genèse, il y a une mini-fin du monde, là. Il y en reste juste 8 personnes. Donc, il y a une mini-fin du monde parce que tout ce monde-là sont dans le champ de patates par rapport à Dieu. Il en reste un, c'est Noé, il n'en reste pas 8, il en reste un, qui lui semble, à ce moment-là, avoir encore les deux pieds sur la terre par rapport à Dieu. Donc, tu dis, un, sur la population, le peu d'élus, il prend un sens assez extraordinaire. Ouais, dans ce sens-là, tu dis, OK, il n'y a rien qu'un. Donc, la famille va entrer dans l'arche à cause de Noé, pas à cause qu'il était marché avec Dieu, eux autres. Mais ils vont, par rapport avec Noé, ils vont embarquer dans l'arche. Donc, c'est compréhensible que Moïse, voyant le peuple, et que Dieu, voyant le peuple en plus, veut leur donner une vision plus juste de Dieu, plus juste de leur histoire, de leur origine, de leur Dieu et de la foi, bien, du Dieu que Moïse sert lui-même, qui lui-même est en train d'apprendre à connaître aussi, parce qu'il est né dans cette époque-là, donc il n'y avait pas une foi infuse, une connaissance infuse, il a dû apprendre à connaître Dieu. Donc, on a vu à date que la première chose qu'il leur dit, qui était essentielle pour nous, à notre ère, à notre époque, à nous, c'est qu'il y a juste un Dieu. Il y a un Dieu. Il dit, moi, Dieu, j'ai créé toutes choses. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, dans la mer, dans les airs, tout ça, là, c'est moi qui ai créé ça. Et c'est moi qui en ai établi les règles. Comment ce monde-là va se comporter? Comment ils vont se reproduire, comment ça va bouger, le ciel, la lune, les étoiles, les êtres humains, tout ça, c'est moi qui en établis les règles. Donc, il n'y a pas de raison d'être d'avoir d'autres dieux. Puis même si j'en ai inventé, les autres dieux, ils ne peuvent pas interagir sur le monde que moi j'ai fait. C'est moi que j'ai fait. Moi, je l'ai fait, donc tu ne pourrais pas changer ça, ce que moi j'ai fait. Donc, Et il leur dit, tous les dieux de l'Égypte, vous pouvez les enterrer dans le désert avec les autres, avec le restant, parce qu'ils n'ont pas de place dans la foi juive ou dans la foi chrétienne pour nous autres aujourd'hui. Ensuite, il a créé l'être humain, on l'a vu au chapitre 2, l'homme et la femme, et il les établit comme la raison d'être de tout ce monde-là. Donc, il dit, moi, je vous donne la domination. Pas qu'ils vont contrôler, parce que le monde se contrôle tout seul. L'univers se contrôle tout seul. On n'a pas besoin de dire à la planète comment elle tourne vite, puis à quelle vitesse elle doit aller, ou les animaux, comment ils doivent. C'est déjà établi, les normes, les règles de la nature, c'est établi. Donc, tu ne règnes pas sur la nature, mais tu es au-dessus de la nature. Tu domines sur, tu es au-dessus, et je l'ai fait pour toi. Toi, tu es là, et je l'ai fait pour toi, et c'est toi qui vas en jouir de cette nature-là. Tu vas l'utiliser pour vivre, respirer, manger, toutes ces choses-là. Et la seule chose qui différencie l'homme du restant, c'est que Dieu lui donne la capacité d'entrer en relation avec lui. Donc, c'est la raison d'être. La raison d'être de l'être humain, de son existence, c'est d'être en relation avec le Dieu créateur. Ce C.S. Lewis-là, qui avait été athée pendant plus que la moitié de sa vie, il donne un peu son cheminement, comment il est devenu chrétien, comment il est venu avoir la logique qu'il y avait un Dieu qui voulait une relation avec lui. Donc pour lui, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire de penser que le Créateur du ciel et de la terre voulait une relation avec lui, personnellement. Donc c'est la raison d'être. Donc la raison d'être de l'être humain, c'est pour Dieu, quand il l'a créé, c'était pas qu'il s'en allait au ciel, hein. L'être humain, c'est qu'il reste sur la terre et qu'il a une relation avec Dieu sur la terre. C'était ça le but. C'était ça la raison qui a fait ça. Donc, quand l'être humain, au chapitre 3, l'être humain pêche. Donc, l'être humain décide, parce qu'il est volitif, parce qu'il a une capacité de si tu comprenais l'anglais, je te ferais lire cet article-là. Il parle bien de la main droite et de la main gauche. Prenez un petit peu l'anglais, je pense qu'il serait capable. Comment, il parle bien du besoin de la volonté. Parce que s'il n'y a pas de volonté chez l'être humain, lui, il enlève, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Si tu es un robot, il n'y a rien. Tout ça tombe à terre. C'est obligé d'avoir la volonté. Pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait du respect, pour qu'il y ait de l'honneur, de l'adoration, il faut qu'il y ait un choix. Sans ça, tout ça tombe à l'eau. C'est vraiment intéressant. Tu dis ça en français. Si jamais je le trouve en français, je te l'enverrai. C'est un petit coup en français. Je ne t'ai pas nommé, parce que ça va le savoir. Ceux qui ne connaissent pas moi, ils vont le voir. Personne ne va le savoir. Personne ne va savoir, tu vois. Donc, l'ultime raison pourquoi Dieu a créé l'être humain par le péché est arrêtée. Donc, il n'y a plus de relation possible entre l'être humain et Dieu. Dieu le chasse de sa présence. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre 3. Il le chasse, et le chapitre 3 termine de même, et il l'empêche de retourner à l'arbre de vie. C'est ça que tes questions, ça touche-tu l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal? Donc, cet arbre de vie-là, il ne peut plus y aller n'en manger. Il ne peut plus aller en manger. Donc, il en a mangé avant, c'est ce qu'on comprend dans le chapitre 3. Mm-hmm. Donc, il a dit, maintenant, tu ne pourras plus en manger, donc tu ne pourras pas revenir à la vie par ta façon d'être. On va revenir à la vie, mais on n'ira pas à l'arbre, on va aller à Jésus-Christ. Mais il dit, je vais établir une autre façon que tu puisses avoir la vie. Ce n'est plus un arbre, si tu peux aller à un arbre pour avoir la vie, je vais établir une autre façon pour avoir la vie. Donc, ça va être une personne maintenant à ce moment-là. Mais je crois que l'arbre de vie, c'est la représentation que Dieu est la source de vie. C'est la même affaire. Un arbre par lui-même ne peut pas donner la vie parce qu'il a été créé. Donc, ce qui a été créé ne peut pas donner la vie. Donc, si c'est un arbre de vie, c'est parce qu'il était quelque chose de spécial que Dieu manifestait, que tu as besoin de moi pour avoir la vie. Mais je vais changer la façon que tu puisses avoir la vie. Puis en même temps, je ne peux pas te laisser retourner à la vie si on ne règle pas la question du péché que tu as fait. Il faut que je règle la question du péché que tu as fait. Et là, je vais t'empêcher d'aller à l'arbre de vie. On va trouver une façon, je vais te donner une façon de régler le problème du péché. Et ensuite, ça, tu vas pouvoir aller. Mais cette fois-là, en Jésus et non pas dans un arbre. Donc, retourner à l'arbre de vie, vu que ce que tu disais la semaine passée, ça réglait son problème spirituel. Moi, il revenait à la vie. Le péché qu'il avait fait. Oui, non, c'est ça qu'il ne laisse pas faire. Mais il serait venu à la vie éternelle. Mais ce n'est pas la bonne manière, parce que là, Dieu deviendrait injuste. Dieu dit, je ne peux pas te permettre de faire ça. Ça n'a pas conséquent. Ça va devenir injuste. Je t'ai dit, tu devrais mourir, puis je te laisse aller manger de l'arbre de vie. C'est comme j'ai donné l'exemple. Je t'empêche de regarder la TV, je t'envoie dans ta chambre, tu as une TV dans ta chambre. Tu n'en as absolument rien. je t'ai mis une conséquence, c'est la mort, c'est la séparation d'avec moi. Puis là, je te laisse revenir manger de l'arbre de vie et tu recommenceras à avoir une relation avec moi. Ça ne marche pas, ça ne peut pas faire ça comme ça. Donc, il l'empêche. Donc, si vous n'avez pas la même idée que moi, la même interprétation, vous ne serez pas le seul qui n'a pas la même interprétation que moi. Il y en a d'autres, il y en a d'autres aussi qui ont d'autres interprétations que moi. Donc, on a vu que cette mort-là que Dieu a mis sur Adam s'est reflétée de différentes façons. On a vu, aussitôt qu'on meurt spirituellement, on veut que les autres meurent aussi autour de nous. Donc, Ève, elle mangeait de l'arbre, et moi, elle a entraîné Adam aussi, comme Satan, il a péché, puis il a voulu entraîner la race humaine aussi à pécher. Donc, quand on est des pécheurs, on veut que les autres pêchent aussi avec nous autres. Donc, ça, c'était la première. Ensuite, on a vu la honte. La honte entre de la nudité ou la honte entre la femme et l'homme et la peur de Dieu qui s'est installée. On fuit Dieu, on a peur de Dieu, on sait qu'on est coupable, donc un coupable a peur du juge, un coupable a peur de la police, un coupable a peur de celui qui peut lui faire du mal ou établir la justice. Mais on a vu aussi que Dieu aurait pu rester dans son monde, on pourrait dire, et ne pas venir voir Adam et Ève. Mais viens voir. Viens voir Adam et Ève, il dit où est-ce que t'es, il pose la question. L'être humain avoue son péché. Donc, en avouant son péché, Dieu dit, maintenant, je ne veux plus t'entendre jamais dire que j'étais injuste. Je t'ai donné, j'étais juste. Toi-même, tu as déclaré que tu étais coupable. Donc, j'étais juste en te donnant la mort. Et là, on a vu qu'il a donné des conséquences à l'homme, à Satan. Un jour, quelqu'un va naître de la femme, et qui va te détruire, ou qui va t'écraser la tête. Et ensuite, tu as donné des conséquences à la femme, des conséquences à l'homme dans cela. Mais ça, le côté plus, pour nous autres, on ne parlera pas de Satan, mais pour nous autres, le côté de l'homme et la femme, c'est plus terre à terre. Tes grossesses, tu vas souffrir, ta relation avec ton mari, ça va être difficile, et toi, l'homme, tu vas travailler à soi de ton front maintenant pour pouvoir manger, ça c'est du tangible. À partir de chapitre 4, on voit la mort spirituelle s'exprimer. Des êtres spirituels qui sont morts, comment est-ce qu'ils vivent ces êtres-là? Comment ça s'exprime dans leur relation mutuelle et dans leur relation qu'ils ont avec Dieu? Parce que là, si la Bible arrêterait à Genèse 3, ben on est mort spirituel, on a peur de Dieu, puis un jour Dieu va détruire Satan, on n'irait pas plus loin. Mais là, on va voir que de la chute de Caïn et Abel, qui va se passer à peu près à 1500 ans, on va voir la race humaine s'auto-détruire, si je peux dire. Venir à la place que Dieu va la regarder, va dire, tous les pensées de tous les hommes ne sont que péchés. Donc, on dit, dans cette période de 1500 ans, il n'y a plus rien de valable dans l'être humain. Il n'y a plus rien de valable dans l'être humain. Donc, ça n'a pas pris 1500 ans, mais c'est arrivé à son comble à 1500 ans. Puis vous allez voir, c'est un cycle. Quand vous étudiez la Bible, c'est un cycle, ça. Dieu intervient toujours d'une façon dramatique au comble de quelque chose. Il va faire le comble ici, il va détruire la terre avec le déluge. Puis tu vas avoir un comble, il va faire le tour de Babel, un autre comble, Sodome et Gomorrhe, puis il va détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a des combles qui arrivent dans la. Puis à la fin, on va être encore dans un comble, puis là, il va venir détruire la terre, il va établir une nouvelle sur la terre. C'est un cycle, c'est une façon que Dieu travaille. Il laisse aller, il laisse. Dans laissant aller, l'être humain se pousse le péché à son max, mais en même temps, il y a des gens qui vont changer de direction, qui vont prendre une décision de se convertir, on peut dire ça comme ça. Donc pendant cette période-là. Mais l'être humain, plus longtemps il vit, plus il devient méchant. Donc ceux qui pensent qu'on devient de meilleurs en meilleurs en vieillissant, c'est contraire. Plus l'être humain vit longtemps, plus il s'éloigne de Dieu. Moi, c'est ça, quand tu parles de méchanceté, tu parles d'éloigner de Dieu. Mmh. Donc s'éloigne de Dieu, mais ça va s'exprimer comment cet éloignement-là de Dieu. Comment ça va s'exprimer dans la vie de tous les jours? Parce qu'on va le voir, c'est pas juste. Ils vont paraître tous bons à l'extérieur, mais dans le fond, ils sont éloignés de Dieu, c'est pas ça qu'on voit dans les Écritures en général. Donc là, nous autres, on sort du jardin, on est en dehors, et là, on a Adam et Ève, et Adam et Ève vont commencer à se reproduire. Là, on va regarder qu'est-ce qui se passe autour des autres, et c'est le monde tel qu'on connaît aujourd'hui. Chameau, Renault, peu importe, ça n'a pas d'importance. L'être humain reste l'être humain. Et depuis ce temps-là, l'être humain s'en va dans une direction qu'il s'éloigne de Dieu constamment. Et il cherche toutes sortes de façons de démontrer qu'il n'a pas besoin de Dieu, puis qu'il peut vivre sans Dieu, puis que son existence ne vient pas de Dieu. Donc, s'il ne vient pas, c'était mon raisonnement quand j'étais plus jeune, si je ne viens pas de Dieu, je n'ai pas de compte à lui donner. Si je ne viens pas de Dieu, je n'ai pas de compte à lui rendre. Vous avez déjà entendu des enfants dire, « T'es pas mon père, toi! T'es pas mon père, j'ai pas de compte à te donner! » Puis on a fait un peu la même chose avec Dieu. « Si t'es pas mon père, j'ai pas de compte à te donner. J'ai pas de compte à te rendre. » C'est pour ça, en général, que les êtres humains vont prendre cette direction-là parce qu'ils se sentent un peu comme en paix. Pas de compte à donner à personne. On fait ce qu'on veut. Donc, on va voir ensemble Caïn et Abel qui vont devenir un peu un exemple de cette période. Je vais encore reculer d'un pas avant de commencer Caïn et Abel. Quand c'était sorti du jardin d'Éden, Adam et Ève sont sortis, il y a l'ange. Cette période-là de l'histoire du monde est terminée. On appelle ça, surtout en théologie, on va dire l'alliance adamique. Il y a eu une période que Dieu se manifestait, Dieu intervenait avec l'être humain pendant la période d'Adam et Ève dans leur innocence. Okay? Dans leur innocence, Dieu a parlé, Dieu a visité, Dieu a jasé, comme il jasait comme nous autres, avec Adam et Ève. Et là, ça, après la chute et après la sortie d'Éden, quelque chose de nouveau commence. C'est terminé. Puis quand on va voir avec Noé, après Noé, quelque chose se termine encore une fois, puis quelque chose de nouveau commence. Puis ces cycles-là, on les voit tout le temps dans la Bible. Quand on commence à les voir, puis on va aller voir Abraham, quelque chose de nouveau commence. Hop, Moïse, quelque chose prend fin, et on commence quelque chose de nouveau avec la loi. La loi va prendre fin, on commence quelque chose de nouveau avec Jésus-Christ. Nous sommes le nouveau, nous autres. Donc, c'est toujours comme ça. On a toujours ces cycles. Quand on commence à les voir, on commence à comprendre que Dieu ne change pas. Dieu est toujours pareil. Dieu est toujours là. Il va juste changer l'approche, il va changer le comment, mais lui, il reste le même. Je suis saint, t'es un peu, tu ne peux pas m'approcher. La preuve, en dehors du jardin. La preuve, je me cache dans une tente, tu ne peux pas venir, toi, ça va te prendre un grand prêtre. C'est toujours la même chose. La preuve, c'est que tu ne peux pas venir me voir si tu ne passes pas par Jésus. Donc, il y a toujours la même chose. Je suis saint. Puis toi, tu es un pécheur, tu ne peux pas venir. Il faut que tu fasses de quoi si tu veux venir à ma présence. C'est toujours la même chose qu'on voit. Donc, quand on comprend ça, la Bible, elle se tient tout le temps. Il faut juste changer dans le comment. Le comment est moins important. Puis là, quand on appelle ça, des fois, on entend les alliances. L'alliance d'Abdan, l'alliance de Noé, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec Abraham, l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus. Donc, on appelle ça de même. Mais ne vous enfargez pas dans ces termes théologiques-là. Des fois, c'est dur à comprendre. Mais quand on le lit tranquillement, on voit bien qu'à la fin du chapitre 3 de Genèse, il y a quelque chose qui est plus là. C'est fini. C'est fini. Il y a quelque chose qui commence de nouveau. Okay? Donc, on va lire le verset 1, si vous voulez, et 2. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Donc ici, on va juste remarquer quelque chose qui va devenir important. Adam et Ève sont en dehors du paradis et là, ils sont spirituellement morts. Okay? Ils sont morts spirituels. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mais ce qu'on voit dans notre verset 1 et 2, c'est que même s'ils sont morts spirituellement, avec le secours de Dieu, elle est tout de même capable de dire, j'ai eu un enfant, que j'ai acquis un homme de par l'Éternel ou avec le secours de Dieu. Elle est capable de se tourner vers Dieu. Et ça va rester dans notre texte un peu. Et elle... C'est pour ça qu'on va voir ces deux enfants faire des sacrifices à l'Éternel. Donc, Adam et Ève nous semblent, on va voir qu'ils sont dans leur réaction, parce que là, ils ont eu la relation avec Dieu, le péché, la perte de relation avec Dieu, et ils ont eu le jugement de Dieu, la condamnation, et ils sont sortis du jardin d'Éden, Mais leur façon de réagir par le fait qu'elle continue à dire à Dieu, je te rends grâce, je te dis merci parce que tu m'as donné un fils, on voit qu'elle a, qu'on va voir, c'est, il y a une forme d'acceptation de ce que Dieu a fait. Faut pas être plus croyant que Ève et Adam, là, quand même, ils ont eu une relation avec Dieu. Ils l'ont eu avant. Oui, mais... Ils l'ont perdu. Tu peux pas arrêter de croire en Dieu, écoute, t'as eu une relation avec, là. Mais, ils croient l'existence. Mais maintenant, Caïn, on va voir que Caïn aussi a l'existence, il croit à certains dieux, mais sa réaction va être différente. Il n'a pas eu de relation directe avec Dieu. Mais vous allez voir que oui, parce que Dieu va lui parler à Caïn face à face comme moi et toi. Là. Ouais. OK? Fait qu'il n'a pas été différent qu'Adam et Ève. La relation est différente. Là, c'est une relation entre un pécheur et un Dieu parfait. Là, avant ça, c'était un Dieu avec des gens parfaits. Mais il va parler à Caïn comme il a parlé à Adam et Ève dans le jardin. Là. Il va venir lui parler. Donc, lui ici, il sait que Dieu existe. Là. Mais sa réaction est bien différente qu'Adam et Ève, ce qu'on peut voir. Donc, Adam et Ève, ici, on n'a pas beaucoup, là. C'est deux fois, là, et quand elle va avoir sept, un peu plus loin, elle va dire, deux fois, elle va dire, je rends grâce à Dieu qui m'a donné un autre enfant. Oui, mais en même temps, Adam et Ève, ils ont une relation avec Dieu. Ils savent que Dieu est véridique. Ils savent que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Mm-hmm. Parce qu'il lui avait dit, tu ne manges pas de ce fruit-là. Puis tu l'as. Ils l'ont mangé. Ils ont expérimenté. Mm-hmm. Tandis que les suivants, les autres, ils n'ont pas eu l'expérience de ça. C'est pour ça que je vous dis. C'est un peu différent. La sortie d'Éden clôt quelque chose qui ne peut pas se reprendre. Mm-hmm. Là, Dieu va approcher des êtres humains qui sont pécheurs. Mais c'est Dieu qui va approcher. La différence dans le jardin d'Éden, il semble avoir une relation constante entre les deux, et les deux semblent être en harmonie, en paix avec les autres. Mais quand on arrive avec à passer le chapitre 3, dans 4, c'est Dieu qui vient. Dieu qui vient vers l'homme. Si Dieu ne vient pas, l'homme n'y va pas. C'est Dieu qui vient. OK? Donc, ici, on a... Mais avant, dans le jardin, c'était pas la même chose? C'était pas Dieu qui avait... Non, je crois qu'il y avait une conversation avec les deux qui étaient là. On n'a pas d'idée à quel point c'était. Entendais-tu quelque chose? Est-ce qu'il pouvait dire, « Hey, j'ai quelque chose à te dire », puis que Dieu répondait? On n'a pas d'idée. Ouais, Dieu est omniprésent partout, en tout temps. Ouais. Il était tout le temps là, en fait. Oui, c'est ça. Mais ouais. Notre connaissance, à nous, on ne peut pas l'amener dans le jardin. Qu'est-ce qu'ils avaient, eux, comme connaissance à Daniel? Savais-tu que Dieu était présent partout? Parce qu'on va voir la réaction de Caïn. Ce que les parents ont transmis à Caïn, il semble que Dieu est à quelque part. Il n'est pas partout. Ici, ils vont se cacher de Dieu. Ils ont l'impression qu'ils peuvent se cacher. Donc, l'omniprésence n'est pas tout à fait là encore, bien compris, du moins. OK? En tout cas, là, ils vont comprendre. On ne peut pas se cacher de lui, nous a trouvé tout de suite. Mais il n'y avait pas toute la connaissance. Ouais, c'est vrai, on parle de connaissance de bien et de mal. On ne parle pas de connaissance générale. De toute la connaissance qu'il avait à ce moment-là. C'est la même idée, vous allez voir, que Dieu va se révéler. On appelle ça la révélation progressive. Dieu se révèle jusqu'à venir au max avec Jésus-Christ. Parce que de toute façon, il va se révéler à Moïse. C'est Moïse qui va écrire le début de la création, puis que Dieu a tout créé, mais est-ce que si Adam et Ève avaient su ça, que Dieu avait tout créé, je crois qu'il y a de la transmission, parce qu'on sait que Adam a vécu 950 ans à peu près. Là. Donc, pendant 950 ans, il va répéter son histoire. Mais pourquoi d'abord que rendu à Moïse, ils sont obligés de se le faire dire? Oui, parce qu'ils viennent de passer 400 ans en esclavage sous le joug égyptien où il y a plein de dieux. Fait qu'eux, là... Non, mais bien avant le 400 ans de l'Égypte, il était déjà... Il faut arrêter au déluge. Rendu au déluge, la connaissance de Dieu est pas mal de travers. Ouais, en général, pas mal de travers. Nous autres, on fait la même chose sur une période de 50 ans d'un chrétien. Si on n'a pas les Écritures devant nous, on va répéter aux autres de travers un peu ce qu'on croit. Il faut toujours revenir aux Écritures. C'est pas que j'ai dit à mon gendre Richard, si tu veux enseigner, il faut te retourner aux Écritures. Il ne faut pas t'arrêter à MacArthur, à Nalette, ou Piper, ou n'importe qui d'autre. Il faut te retourner aux Écritures parce qu'on ne répète pas toujours correctement ce qu'on croit. Notre interprétation peut être faussée souvent. Donc, il faut retourner aux Écritures. Les autres, ils n'ont pas tout à fait les Écritures comme on l'a aujourd'hui. Donc, ils vont répéter l'histoire, mais c'est des pécheurs qui répètent l'histoire. Ils vont l'amadouer comme on fait. Ceux qui racontent une histoire, là, ils ont des partis pris, puis ils vont faire ressortir que, comme on va voir Caïn qui va répéter, c'est pas juste ce que tu as fait. Mais donc, Caïn va répéter l'histoire, mais il va répéter avec un angle pas mal différent que d'autres vont répéter. Donc, il faut se dire que l'être humain pécheur, il ne répète pas toujours correctement, mais il en répète. Il va en dire des choses, mais on ne sait pas comment tout se répète, mais c'est pour ça qu'on a vu que Dieu va venir, puis Dieu va parler à Moïse, puis Dieu va ramener à Moïse les faits tels qu'ils devraient être. Lui, il va le dire au peuple. Parce qu'en plus, clairement, que Noé, il reste toujours bien juste Noé pour se rappeler aussi, puis pour tout rapporter. Là. Fait que s'il a appris quelques affaires croches, il va les répéter croches. Donc, lui, il va les rappeler. C'est pour ça que quand on arrive à Moïse, Dieu va dire maintenant, écris-le là. Écris ça maintenant. Ok, on est rendu assez loin dans l'histoire. Ça va prendre des écrits. Parce que là, ça va aller tout croche encore une fois. Donc, il dit, tu vas m'écrire ces 5-6 livres-là, mon Moïse. Et là, on va pouvoir les passer, les 5 livres d'une génération. Au moins, ces 5-là, ils vont rester exacts en grande partie. On croit qu'ils sont exacts, mais ça veut dire que l'homme ne fait pas d'erreur, mais généralement, c'est transmis d'une façon correcte. Et ensuite, on va voir que tous les prophètes qui vont passer après vont écrire. Puis Dieu va dire écrit, écrit, écrit. Puis là, finalement, on va voir jusqu'à nous autres. Puis là, on a tout écrit, nous autres. Donc, ici, c'est une déduction que je fais, mais c'est une déduction qui semble être normale et logique, qu'au verset 3 jusqu'à 7, les enfants, Caïn et Abel, font des sacrifices à Dieu. Bon, si on enlèverait Adam et Ève, on se demanderait pourquoi ils font ça. Des offrandes, pas sacrifices comme offrandes. Donc, on peut-tu dire qu'il y a une différence? Non, ça n'a pas de différence. C'est la même chose. Tu peux le faire. Il faudrait que je le vois dans l'original si le mot est traduit différemment. Mais parce que me semble, une offrande, sacrifice. C'est comme un cadeau, c'est comme j'offre, tandis que sacrifice, ça coûte vraiment plus de choses. C'est ça que je vois aussi, moi aussi, quand j'entends ça. Mais c'est peut-être nos définitions. Oui, c'est peut-être votre sacrifice à vous. On faisait des sacrifices et qu'on se privait de quelque chose, mais ce n'est pas dans les Écritures. Oui. Un sacrifice que tu offrais à Dieu, c'était quelque chose que c'était un cadeau que tu lui faisais. Le sacrifice impliquait la mort, c'était les animaux. Ben, c'est ça. Donc, mais c'était quelque chose qui... Mais il y avait des sacrifices, des fois, de farine. C'était pas toujours juste de la mort. Je vais aller voir dans l'original, je vous dirai qu'est-ce qu'il y en a si le mot ici peut être traduit autrement que par offrande. Ça ne me surprendra pas, parce que là, il va avoir les deux. Un animal d'offert et des légumes d'offert, les deux. Puis il parle d'offrande les deux. Donc, si on dit sacrifice, c'est juste pour les animaux, mais là, il faudra mettre sacrifice pour Abel. Les offrandes sont les deux ici. Il offre à Dieu quelque chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, les différentes générations, les différentes époques vont appeler leurs affaires différemment. Donc, là, on appelle ça des offrandes, puis loin, on va dire que c'est des sacrifices, puis on va dire que c'est des holocaustes, mais on est toujours en train de donner à Dieu quelque chose, pour différentes raisons. Okay? Ici, la seule raison qu'on aurait, c'est ça comme une espèce d'action de grâce. On n'a rien dans les textes qui nous dit qu'ils sont en train d'acheter quelque chose, ou de payer pour quelque chose, ou d'avoir le pardon de leur péché, il n'y a rien qui nous dit dans les textes. Mais, verset 3 à 7, on va lire ensemble. Au bout de quelque temps, Caïn offrit des produits de la terre en oblation à Yahweh. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Moi, ça s'arrête là, mais c'est ça, 3 et 4, hein, oui. Ça? Okay. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc, ici, on a les deux premiers enfants, Caïn et Abel, qui offrent quelque chose à l'Éternel. Est-ce que les parents le faisaient? Ça ne me surprendra pas, parce que c'est dans la logique des choses. Mais ici, on a les enfants qui viennent offrir à Dieu leur offrande. Donc, les deux lui vont, mais la réaction de Dieu, elle est différente entre les deux personnages. Souvent, on avait entendu parler que c'est à cause du sacrifice. Un a fait un bon sacrifice, puis l'autre n'a pas fait le bon sacrifice. Mais le texte ne nous dit pas ça ici. Dieu dit qu'il porte un regard favorable premièrement sur Abel et ensuite sur son offrande. Premièrement sur Caïn, non favorable, et le sacrifice devient non favorable. Donc, ce n'est pas le sacrifice ici qui détermine si Dieu est favorable ou pas, c'est le personnage. Et c'est ça que Dieu va parler à Caïn. Pourquoi tu es comme ça? Il ne dit pas, pourquoi tu m'as offert des légumes? Tu aurais dû m'offrir un agneau toi aussi. Là. Mais c'est pas ça. Il dit, pourquoi ton cœur? Pourquoi ça ne marche pas à l'intérieur? Pourquoi ça ne va pas ton affaire? Donc, c'est, pourquoi t'es en colère? Ouais, pourquoi là, tu te mets en colère quand je... Parce que là, on sait... On... Mais c'est pas son offrande qui a amené ça. Là. Non, c'est l'attitude... C'est la personnalité qui n'est pas apprécié. Dans la personnalité, je ne dirais pas ça, c'est l'intention, le cœur dans l'intérieur, ouais, le cœur. Mais on va voir plus loin que Dieu va dire. Là, maintenant, vous n'allez pas m'offrir ce que vous voulez. Là. Je vais vous dire qu'est-ce que je veux que vous m'offrez et comment je vais devoir l'offrir. Mais pour le moment ici, c'est pas là. C'est après le déluge que Dieu va donner tel animal, pas tel animal, de telle façon, pas de cette façon-là. Il va changer l'approche. Parce que c'est toujours que ces offrandes-là, là, c'est pas, on approche de Dieu avec ça. Là. Ils sont allés vers Dieu, puis ils ont fait ça à Dieu. Là. Comment est-ce qu'ils savent que Dieu va savoir? Ils ne le voient pas. À ce moment-là, y avait-tu des hôtels, quelque chose, qu'elle a fait nos offrandes? Non. Ou ils faisaient ça de même dans le champ? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Jusqu'à Noé, il semble qu'ils font un tas de roches puis ils font ça dessus, je ne sais pas quoi. On voit qu'Abraham va se faire un hôtel un peu plus loin, puis il va mettre son fils dessus. Mais là, on est des milliers d'années encore plus tard, mais il n'y a pas encore de loi. Personne n'y a donné des lois comment le faire. Mais ici, là, quand on dit le Seigneur, là, je comprends que c'est la personne qui accueille ou pas avant l'offrande. Mmh. Mais il n'y a rien qui nous dit que c'était l'attitude. Caïn va avoir une mauvaise attitude après, parce qu'il a refusé son offrande. Mmh. Mais il n'y a rien qui dit qu'au moment où il a fait l'offrande, il y avait une mauvaise attitude. Là, il faut le déduire. Non, c'est la remarque de Dieu qui fait la... Parce que moi, j'ai... Mais non pas Caïn et son offrande. Caïn, en éprouvant une profonde irritation et en fut abattu de ce qu'il n'a pas accepté son offrande. Et le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et être abattu? Mm. Fait que c'est la réaction vient après qu'il a été rejeté, là, qu'il a rejeté son offrande. Non, c'est pas avant. Regardons bien l'idée. Parce que la façon que c'est écrit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ouais. Donc, si ça avait juste été l'offrande, il n'aurait pas dit ça comme ça. Il aurait regardé un regard favorable sur son offrande. Ouais. Okay, donc, ça me dit qu'il a mis le personnage avant l'offrande. Ouais, donc, d'accord. C'est la même chose pour Caïn aussi. Oui. OK, donc les Oui, OK, mais il n'y a rien qui me dit que c'est à cause de son cœur ou de son attitude. C'est ce que Dieu va dire. Regardons ce que Dieu va dire maintenant, quand Dieu intervient entre les deux. OK? Ouais. Donc, Caïn... En éprouvant Caïn, la profonde... Comment Caïn sait-il ce que Dieu pense? Parce qu'il va y dire. Non, mais avant, c'est marqué, Dieu jeta un regard favorable sur Abel, Dieu jeta un regard non favorable sur Caïn. Mais comment sait-il ça? Comment sait-il que Dieu n'a pas jeté un regard favorable? Ben, déjà là, on le sait. OK? Mm-hmm. Donc, c'est là. Fait qu'on dit, comment est-ce qu'il a su que Dieu n'avait pas jeté un regard favorable? C'est là qu'on dit que la façon que Dieu communique avec les gens à cette époque-là est différente avec nous autres. Donc, en tout cas, il savait, parce que ça lui a fait de la peine. Il faut qu'on comprenne qu'à ce moment-là, l'être humain, faut qu'il soit capable de concevoir que Dieu n'est pas capable. Là. C'est-tu Dieu qui est intervenu? C'est-tu Dieu qui a parlé? C'est-tu Dieu qui a dit quelque chose? On ne sait pas. Mais dans la capacité humaine, tu n'as pas la capacité de voir l'invisible. Donc, tu n'as pas vu l'invisible, tu n'as pas deviné Dieu. Il faut que Dieu fasse de quoi ou dise de quoi. On ne sait pas quoi, mais il a fallu qu'il dise. Parce que lui a vu. Mais remarquez bien qu'il va voir les deux. Quand il ne va pas voir juste la façon que Dieu le perçoit, lui. Non, il va savoir que l'autre est correct. L'autre aussi est correct. OK? Puis pas lui. OK, donc lui, il va voir les deux. C'est pour ça qu'il va réagir avec son frère. Parce que s'il ne savait pas que son frère, il dit. Tu as la même idée avec moi, avec Abel? Non, il sait qu'Abel est correct, puis lui n'est pas correct. Là. Il sait bien que ça va. C'est ça qui le fâche. Il est bien fâché. Donc, Dieu, il dit Caïn, il va dire Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc ça, c'est la réaction au visage de Dieu, on va dire. Mm-hmm. À la réaction de Dieu. Mm-hmm. Et l'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité? Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'il dit. Pourquoi es-tu irrité? C'est pas pourquoi est-ce que tu as fait un sacrifice. Ou quoi? Non. Tu es irrité. De ma perception de toi et de ton offrande. Ouais. Ouais, quoi? Parce que si ça avait été juste un sacrifice, Dieu, ça s'est adressé au sacrifice. Mais on ne l'a pas. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu s'adresse maintenant à son cœur. Il dit, si tu avais bien agi, au verset 7, si tu agis bien, mm-hmm. ton visage n'aurait pas été irrité, tu n'aurais pas fait le mal comme ça. Ah ben moi, je dis, tu reprendras le dessus. Non, mais si tu agis bien, et là, que tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc, si tu avais bien agi quand tu as offert ton sacrifice, OK? Moi, je n'aurais pas réagi comme ça, et ton visage n'aurait pas été abattu, puis ton visage n'aurait pas été irrité. Si tu avais agi bien, mais là, tu as dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Remarquez bien que le péché se couche à ta porte après que tu aies agi mal, pas avant. Donc, moi, je fais le lien entre si tu aurais bien agi quand tu m'as offert ton sacrifice, ben moi, j'aurais bien réagi aussi. J'aurais fait comme avec Abel. Mais tu as mal agi en le faisant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé à ce moment-là, Caïn, mais il a mal agi. Et Dieu dit, le péché se couche à ta porte maintenant. Fais attention, là. Ton cœur, là, il n'est pas correct. Parce que ce n'est pas le sacrifice, c'est le cœur qui n'est pas correct. C'est comme que Dieu, il voyait le motif dans le cœur de Caïn. Puis en le voyant, Caïn, il veut pas que ce soit pas mal reçu, mais ce n'est pas un bon motif. Puis Dieu, on ne le trompe pas. Mais c'est parce qu'on ne peut pas tout le savoir, qu'est-ce qu'il y a son cœur. Mais Dieu le sait, lui. C'est Dieu nous exprime. Tu as mal agi. Et je te l'ai dit, t'as mal agi. C'est pour ça que maintenant tu es irrité et que ta tête est abattue. Si tu avais bien agi, je t'aurais pas abattu. Mais moi, je t'aurais fait un regard favorable et tu n'aurais pas été abattu, tu n'aurais pas été irrité non plus. Donc. Mais pourquoi qu'il y a besoin de dire si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, si tu ne reprends pas le dessus, le péché est à ta porte. Un peu comme si tu te rends devant l'Éternel pour offrir une offrande avec une attitude qui plaît à l'Éternel, tu seras plus abattu parce que la réaction de l'Éternel va être correcte. Là, tu l'es parce que ça fasse... Mais là, tu as besoin de reprendre le dessus. Si tu as besoin de reprendre le dessus, c'est parce que tu as perdu quelque chose. Bien, ça veut dire que revisite ton cœur. Regarde, là, ton attitude n'est pas bonne. C'est ça, mais là, tout ça, c'est après qu'elle ait été rejetée. Mais si... Oui. La question, si tu te poses, c'est pourquoi est-ce que Dieu l'a rejetée? Non, c'est pas ça. Bien, c'est ça qu'il faut que tu te poses. Pourquoi il a rejeté un et qu'il n'a pas rejeté l'autre? C'est ça qu'il faut que tu poses comme question. Mais moi, dans ce que je lis, ça ne me répond pas. Ça répond. Ça ne me dit pas pourquoi est-ce que Caïn... Non, ça ne te dit pas pourquoi, mais ça te dit que Dieu accepte un et rejette l'autre. Okay? Mais ça ne me dit pas que c'est à cause de son attitude, c'est ça que je veux dire. Mais il y a quelle autre raison que ce serait? Je ne sais pas. La Bible dit ben pas... Il faut que tu le comprennes ici dans ton texte. Tu as ça ou le sacrifice qui n'était pas bon? C'est un des deux. Parce qu'on tentait, c'est arrivé quand il venait juste de faire un sacrifice, donc ça rapporte avec ça. Là. Soit ton sacrifice, c'est pas ce que je veux, ou bien non, toi, t'as pas, t'es pas correct. La façon que tu as raison ton cœur dans le sacrifice. C'est parce ça. Que là, Dieu, s'il n'avait pas fait un sacrifice, on n'aurait pas l'événement. Dieu ne serait pas venu parler. Mais ce que tu viens, à cette époque-là, il semble que Dieu n'accorde pas, comme on va voir après le déluge, Dieu n'accorde pas d'importance au sacrifice. Mm-hmm. Toujours au cœur. Mais après le déluge, il va accorder de l'importance au sacrifice. Là, il va dire, certains animaux, tu n'as plus le droit de les offrir. Ouais. Là, il va dire, là maintenant, je vais t'amener quelque chose de nouveau. Avant le déluge, je t'ai laissé faire, tu m'as offert tout ce que tu voulais. OK? Puis de la façon que tu... Je n'attache pas d'importance à ce que tu m'offrais. Je regardais ton cœur. Mais après le déluge, je vais te demander... de changer certains animaux et pas d'autres. Donc, puis il va te dire comment le faire aussi. Aussi, Caïn, là, il n'accepte pas de se faire dire par Dieu que son cœur n'est pas correct. Puis déjà, ouais. En partant, c'est la règle pour que Dieu soit te regarde favorablement, c'est que tu dois accepter son regard sur toi tel qu'il le dit. C'est pour ça que le reprendra le dessus. Regarde là, c'est là, parce que c'est Dieu qui décide si c'est bien ou mal. Puis là, on sait pas le motif. Mais si tu agis comme faux, dans le fond, d'agir comme faux, c'est d'accepter déjà que Dieu te dise que tu n'étais pas correct. Oui. Là, ça me ferait plus. Okay. Là, ça me fait plus. Le sacrifice, c'est une bonne attitude. Puis je crois que la question, c'est que. On va voir que quand Dieu va donner une conséquence à Caïn, il va encore reprendre Dieu, il va mentir à Dieu. Oh, donc son cœur, son cœur n'a pas changé entre le verset 5 et le... Donc si on dit qu'il est irrité, que c'est Dieu qui est responsable de son irritation, là c'est Dieu qui devient le problématique, il n'est pas responsable. Donc, mais la question est, c'est que on va voir que le personnage de Dieu voit dans le cœur des êtres humains et puis sait ce qui se passe dans le cœur des êtres humains. Donc c'est pour moi la bonne attitude. Si tu avais agi bien, tu aurais dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas avec favorablement comme Abel? J'ai quelque chose de pas correct, je vais le changer. C'est quelque chose de pas correct, je vais faire comme tu me dis. Si c'est ça. Mais rappelez-vous bien, ces deux pécheurs ici, ces deux personnes qui sont mortes spirituellement, qui font ça. Oui, mais François, l'Éternel apporta... L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Tout ça, là, c'est après qu'il y a eu... qu'il y a offert deux. Oui. Okay? C'est fait. C'est fait, là. Ça porte à penser que juste des fruits, bien, regarde, c'est pas une bonne offrande. L'autre, il apporte un nouveau-né de son bétail, il apporte... Il a ôté la vie à une bébite, puis il donne en offrande. Oui, mais il dit pas qu'il est mort, la bébite, là. Ben, s'il offre les graisses, là, puis... C'est assez dur de sortir la graisse du corps. C'est pas ça, lui-même. C'est des constructions. C'est dur. C'est là que ça commence. Pour déterminer si... T'sais, tu rejettes que c'est pas les offrandes, toi, là. Mais tabarné que... C'est... Mais c'est parce que Dieu, il revient pas avec les offrandes. Il revient avec les personnages. Avec le personnage qui est Caïn ici. Il revient pas. Moi, je me demande comment est-ce qu'on n'a pas, j'aurais aimé ça, voir l'attitude d'Abel. Comment est-ce qu'Abel a réagi? Lui? As-tu fait une génuflexion devant Dieu? As-tu dit, merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes, la faveur que tu me fais? Mais rappelons-nous, là, je suis même pas sûr, c'est ton argument, là, moi je suis même pas sûr s'il n'a pas péché en tuant un animal, lui, pour l'offrir à Dieu. Je suis même pas sûr. Parce jusqu'à date, là, il n'avait pas le droit de tuer les animaux pour en manger. Il n'avait pas le droit encore. Qu'est-ce qu'il fait de tuer des animaux? C'est-tu juste pour l'offrir ou s'il en mangeait déjà? S'il en mangeait déjà, il est déjà un pécheur, parce que Dieu lui dit, tu vas manger juste de l'herbe. Donc c'est pas le sacrifice, c'est pas le... Oui, mais le sacrifice a amené, après ça... que Caïn n'avait pas une bonne réflexion face à Dieu. Mais si toi, mets-toi ta voix. Dieu, il voyait ça, là. C'est pour ça qu'il a repris. Mets-toi à la place de Caïn. Tu t'en viens vers Dieu avec une bonne attitude, avec une bonne intention, et tu y amènes tes légumes. Oui. Puis que Dieu te fasse comprendre que c'est pas ça, des légumes, j'en veux pas. Et ce que tu vas faire? Tu vas-tu dire... Oh Dieu, je vais me reprendre, je m'en vais vite chercher d'autres choses. Ben non, mais c'est ça, tu vas ruer dans le boquette, là. Ben non, tu devrais pas. Tu vas ruer dans le boquette parce que ton frère a emmené, lui, un autre offrande que lui, c'est accepté. Hein, pourquoi, moi, je t'ai offert de quoi, moi, tout, puis c'est pas accepté, puis lui, il t'offre de quoi, puis... Okay. Je m'en ruer dans le boquette. OK, donc, si tu rues devant le boquette, face à Dieu. Dieu oui, face à Dieu. Puis là, Dieu, il va voir ce qui se passe ici, là, parce que c'est trop là que ça se passe. Là. C'est là qu'il reprend. Là. Regarde, ton attitude en dedans, elle n'est pas bonne. Donc, avant. Ton écureuil, il fallait virer de l'autre bord. Là, okay, donc, si on le prend de même, les deux arrivent avec une bonne attitude. Et là, juste à cause du sacrifice, Dieu intervient. Ben, moi, c'est de même que je le comprends. OK. Ben, moi, il me ramène à Hébreux 4:4. 11:4. Angers, c'est plus loin, là. Il n'est pas supposé le savoir, hein, vu que c'est plus loin, là. Oui, mais plus loin, il dit que ce qui a été dit avant, pareil, là. Vas-y. OK, cite, moi, ça me dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré... » Par elle, le sacrifice. Il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elles, quoique mort, il parle encore. Fait que ça veut... On jase. Hébreu, ça sortir la foi. Ouais. Et pas le sacrifice. Ben, ouais, pas le sacrifice. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est ça qui lui a, c'est pour ça qu'il est juste. C'est de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Ah, par la foi, tu avais raison, par l'offrande. Oui, oui, oui. Tous ces gens-là d'Hébreu sont cités à cause de leur foi et non pas à cause de leur sacrifice. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Et par elle, les offrandes. Il y avait un autre aspect aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est Caïn, c'est le plus vieux. Il arrive, puis comme plus vieux, ça se peut-tu qu'il y avait déjà une hiérarchie établie, là, parce que chez les Juifs, ou en tout cas chez eux, tu sais, du plus vieux au plus grand, tu as le droit d'aîné, et ainsi de suite. Fait que là, lui, il est le plus vieux. Il y a comme un ascendant sur le plus jeune. Mais là, c'est les trois, quatre premiers sur terre. Oui, oui. Fait il est le plus vieux, lui, il est le premier fils né de... Dans ta tête, il aurait dû savoir? Pas le savoir, mais comme le... En tant qu'aîné, il est déjà un peu peut-être orgueilleux de je l'ai, moi c'est moi le plus vieux. Ah, ouais, ils sont péchés. Mais là, la Bible ne dit pas, là. Là, on est. Dans l'expectative. C'est des questions techniques, ça. Là. C'est des questions techniques qu'on se pose. L'important, c'est de savoir comment Dieu, lui, voit la chose. Lui, il regarde deux êtres humains, puis il y en a un qui le regarde favorablement, ça, c'est grâce, la grâce. Okay? Donc, quand il n'a pas gagné. Quelque chose, c'est par grâce, parce que j'ai un regard favorable, c'est le mot Abel. Et donc, Dieu accorde sa grâce ou son regard favorable à quelqu'un qui est un pécheur, et l'autre, il lui t'adore pour sa grâce. Là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait la différence? Si on dit c'est les sacrifices, c'est les sacrifices. Oui, c'est ça. Mais c'est la même question. Roger, tu n'es pas incroyant, mettons. Pourquoi que moi, il m'a donné la grâce d'être sauvé, puis il n'a pas donné à Roger. C'est la même question, en fait. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Non, là, non. Parce que c'est par la foi. Parce qu'ici, parce que Dieu, là, c'est que Dieu voit deux êtres humains faire des sacrifices, puis à un, il accorde sa grâce, puis à l'autre, il ne l'accorde pas. Puis il va, Dieu continue à parler, il ne s'arrête pas là. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis on va voir ce même Caïn-là continuer à réagir avec Dieu. Donc, je ne crois pas qu'il y avait une bonne attitude avant avec son sacrifice. Tout d'un coup, il devient irrité contre Dieu parce que Dieu aurait eu une mauvaise attitude. C'est Dieu qui vous devient coupable avec votre façon de faire. Pas de voir selon moi. Dieu devient coupable. Il a pas été juste en accordant pas... À moins quand tu dis, je te l'avais dit de ce que je ne voulais pas des légumes. Et là, on n'a rien dans le texte qui dit ça. Je te l'avais dit quoi faire. On n'a rien. Il y en a qui disent... Il l'avait dit parce qu'il avait tué des animaux pour faire des pots à leurs parents. Ouais, on s'en va dans une autre direction qui n'est pas la bonne, selon moi. Donc, si je ne t'ai pas donné de règles quoi m'offrir, je ne pourrais pas argumenter avec « tu ne m'as pas donné la bonne affaire ». Et puis, il n'y en a pas de règles. Il va en donner des règles juste après Noé. Donc, il n'y en a pas de règles jusqu'à là. Donc, la raison la façon de réagir de Caïn, c'est me dit que son cœur n'était déjà pas droit avant le sacrifice. C'est pas Dieu qui a rendu le cœur de Caïn mauvais parce qu'il n'a pas accepté ses légumes. Ça se peut pas, ça marche pas comme ça dans les Écritures. Parce que en tout cas dans la personne de Dieu. Mais quand il va lui dire, pourquoi es-tu hérité? Pourquoi tu es hérité, Caïn? Pourquoi est-ce que tu es hérité? C'est ce que moi j'ai fait, là. Tu es hérité contre moi maintenant. OK? Tu es hérité contre moi parce que j'ai accordé un regard favorable à un. Et pas un regard favorable à l'autre. C'est ça qui est la question. C'est pas l'offrande. C'est que moi, j'accorde mon regard favorable à quelqu'un, puis je ne l'accorde pas à l'autre. Il était hérité de ça. De ça ou bien de ça? Jaloux qu'il ait pris celle-là de son frère? C'est vraiment de ça? Ça n'a pas d'importance. Le sentiment qu'il va vivre, c'est qu'il est hérité contre Dieu. OK. Il est hérité contre Dieu. Il dit, peu importe pourquoi vous l'attribuez, si vous dites les offrandes, je me dis, mais il faudrait que je sache que Dieu l'avait déjà dit avant, qu'il ne voulait pas de légumes, qu'il voulait juste des animaux. Je n'ai rien dans mon texte qui me dit ça jusqu'à la fin du déluge. Donc, je serai obligé de penser qu'il ne voulait pas des légumes. Okay? Donc, je suis obligé de le penser comme ça. Mais quand je continue à lire, il dit « Certainement, au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, » ça veut dire quoi ça? « Si tu agis bien », ça veut dire que tu n'as pas agi bien. « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » Donc là, il est en train de dire, « As-tu bien agi ou tu as mal agi? » Si tu agis bien, tu vas relever ton visage, tu ne seras plus irrité contre moi, tu ne seras plus... Si tu agis mal... Mais ça, donc, c'est pour le futur. C'est pas par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est à partir de maintenant, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. C'est un principe de base. Si tu agis bien, ton visage n'a pas d'affaire dans ta terre. Si tu agis bien, ton visage n'a pas d'affaire dans ta terre. On sait que bien agir, c'est dans ta terre. Oui, c'est dans ta terre. Mais dans le si il a donné des légumes, il m'a dit c'est ça. Mais agir bien, c'est accepter le choix de Dieu. Oui. Agir bien, là, c'est accepter le choix de Dieu sur ce qu'il vient de décider. Là. Non, je crois qu'il avait mal agi. C'est pour ça que Dieu lui accorde pas son regard. Il n'avait pas bien agi. Puis là, quand Dieu lui accorde pas son regard, il devient... Oui. Autrement dit, si Abel, il aurait pu donner des carottes puis des patates. Lui, la même affaire que l'autre. Mais lui, il donnait avec une bonne attitude dans le cœur, dans la tête. Oui, c'est quoi? C'est parce qu'il dit... L'autre, il va grogner, mais tu perds des légumes pour toi. Si je prends les mots du texte, agis bien. Si tu agis bien, c'est un principe de base. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu n'as pas d'affaire à avoir ton visage beau, tu n'as pas besoin d'avoir d'intérité, tu n'as pas besoin de ça. Si tu agis mal, tu te mets dans une position fâcheuse. S'il n'avait pas agi mal, il n'aurait pas réagi de façon fâcheuse quand Dieu a parlé. Mais Dieu ne l'aurait pas fait de voir s'il avait agi bien. Mais quand tu agis mal, tu te mets dans une position d'aller plus loin encore dans le mal. Mm-hmm. Donc, si tu agis mal, le péché va se coucher à ta porte, tes désirs vont se porter vers toi et tu vas agir mal encore une fois. C'est ce qu'il va faire, il va aller tuer son frère. Donc, il ne va pas accepter la conclusion que Dieu amène à son sacrifice. Il va se virer de bord, il va aller tuer son frère. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi un côté de jalousie de son frère. Parce que s'il va le tuer, là, il veut enlever le problème, ce que lui juge être la source de son problème. Mais là, on je crois que oui, ça pourrait être ça, mais moi, je le vois plus que c'est l'irritation contre Dieu qui le pousse vers son frère. Ce n'est pas la jalousie de son frère seulement, c'est l'irritation qu'il a contre Dieu maintenant. Quand? C'est sûr que tout ce qu'on fait, c'est qu'on Dieu à la base. Tout ce qu'on fait, là. Donc, s'il n'avait pas été hérité contre Dieu, son frère, il n'aurait pas eu un rapport avec son frère du tout. Mais en voulant tuer le frère, puisque c'est ce qu'on va voir tout au long du restant, c'est que celui qui est hérité contre Dieu en veut à celui qui est aimé par Dieu. Ça, c'est un principe qu'on va voir tout au long de la Bible aussi. C'est de la jalousie. C'est ça, c'est... Le sentiment négatif qui embarque au travers de ça, souvent, ça va être la jalousie. Après ça, tu vas en vouloir... Est-ce que tu penses que ta fille te jalouse parce que tu aimes Dieu? Non, elle est irritée contre Dieu, mais elle veut te tabocher. Okay? C'est ça que je reprends en québécois. Là. C'est pas de la jalousie qu'elle a envers toi parce que t'aimes. Dieu t'aime. Voyons, on n'est pas jalouse de ça, elle-là. Elle est irritée contre Dieu. Okay? Et la plupart des gens sont irrités contre Dieu qui en aiment un et qui n'en aiment pas l'autre. Ben, de là, ils mettent ça à la faute de Dieu. De là, pourquoi que le regard de Hébreu, quand il dit c'est la foi, c'est par la foi qu'Abel offrait un sacrifice. Fait que dans le fond, quand Abel a offert son sacrifice avec foi, oui, en sachant que c'était Dieu, en sachant que c'était qu'il valait la peine du sacrifice, que c'était un sacrifice qu'il voulait y offrir, probablement plus que l'autre, peut-être, faut que je le fasse. Fait que moi, je me tente pas trop de me priver. Peu importe, mais le cœur était pas là avec foi de le faire pas la foi comme Abel. Puis comme là, tu dis, après ça, celle-là, blablabla, puis là, il l'a refusé, l'autre, ça l'a irrité. C'est le principe qu'on va retrouver dans tout au long de la Bible. C'est pour ça que Jésus va dire, vous faites tous les sacrifices que je vous ai demandé dans le temple, votre cœur n'est pas là. Je vais vous détruire. C'est toujours le même principe qui revient. Donc, ici... C'est peut-être moins clair dans notre langage du Nouveau Testament, mais on voit que Dieu intervient, puis tout au long, il va intervenir, puis c'est toujours le cœur qui regarde en premier, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand il dit au verset 7, j'ai agi mal, puis là, j'ouvre une porte au péché qui va venir. Puis là, il personnalise le péché. Il dit, le péché va se coucher à ta porte. Puis il dit, lui, il te regarde, t'agis mal, il va venir, puis il va vouloir te pousser encore plus loin. Il va venir te pousser encore plus loin le péché. Donc, ça, il m'a dit comme Yvon, il dit, ça, c'est ton petit hamster là, qui tourne. L'écureuil, là, oui. Ton écureuil là, qui tourne. Là, puis qui... Tu sais, moi, je sais que Céline, elle disait ça, ou Diane disait ça, la folle du logis dans notre tête qui part. Puis là, tu te crains encore plus. Là, jusqu'à temps que tu attends une minute, là, je suis en train de. On revient à la base. Là. Mais là, notre péché, là, tu sais, c'est. Là, il dit, quand tu vas voir le péché vouloir t'emmener à aller plus loin, tu devrais dominer sur lui et pas te laisser faire. Soit que l'homme va prendre la décision, ou la femme, et puis il ne va pas le faire, puis il va aller plus loin. Dans notre contexte, à nous de Caïn, on va voir Caïn aller plus loin. Donc, Caïn n'est pas... premièrement, il va être hérité contre Dieu, c'est ça qu'on voit, il est hérité contre Dieu, et il va manifester ça en s'attaquant à celui que Dieu aime. C'est toujours la même vérité qu'on va voir tout au long du Nouveau Testament, puis tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament aussi. Comment que je peux manifester à Dieu que je suis hérité contre lui? Je m'attaque à ce que lui aime. C'est comme ça que je vais manifester dans mon... Dans mon humanité. Okay? Un ange ne fera pas ça comme ça, parce qu'un ange est dans son monde angélique où le matériel n'existe pas. Ben, c'est pas de main qu'il va se prendre. Mais l'être humain, lui, va s'attaquer. Et c'est ça qu'on va voir, les gens s'attaquer à Abraham, s'attaquer à Moïse, s'attaquer à David, s'attaquer à Jésus. On s'attaque à celui que Dieu aime. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, si tu n'aimes pas celui que j'aime, tu ne peux pas aimer Dieu non plus. C'est, ça va être ta façon à toi de t'évaluer. Si elle a dit, je t'aime Abel parce que Dieu t'aime, ben ça aurait changé toute l'histoire. Parce qu'il dit, mais parce que Dieu t'aime et qu'il ne m'aime pas moi parce que j'ai mal agi, mais là je vais t'en vouloir à toi. C'est ma façon de m'attaquer à Dieu. Dans ma tête, l'image qui me vient, là, c'est qu'un parent qui reprend un enfant, puis l'enfant donne un coup de pied à la TV, qui appartient au parent. Il ne peut pas donner un coup de pied à son père, il va aller s'attaquer à quelque chose que son père aime. Il va lui faire mal par ricochet. C'est un peu la même idée ici, il va s'attaquer à ce que Dieu aime, parce que c'est la seule chose qu'il a pour s'attaquer, c'est la seule chose qu'il peut faire, puis il le fait contre Dieu. Donc, Caïn ne va pas dominer le péché, il ne va pas le dominer, donc il va arriver le verset 8, tout simplement. Verset 8. Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Donc, il va... Ça doit être normal qu'il ne vainque pas le péché, Caïn, vu qu'ils sont fait sortir du jardin. Mais Abel était dans la même situation. C'est ça que je vous dis tout à l'heure, c'est deux pécheurs, deux morts spirituelles. Qu'est-ce qui est intervenu dans la vie d'Abel pour qu'il fasse ça, puis qu'il le fasse avec un bon cœur? La foi. Mais la foi ne vient pas du néant. La foi ne vient pas du néant. Elle vient de la connaissance de l'Éternel. Elle vient de la connaissance, mais comment elle l'ont-ils eu? Comment l'ont-ils eu cette élection? Faut que ça soit élection. Par grâce. Non. Amenez pas le langage du Nouveau Testament. On n'est pas là. Oui, non. Comment ont-ils su, Abel, s'il n'était pas dans le jardin? Comment c'est par les parents. Là, c'est les parents qui amènent l'information. C'est la seule façon qu'on peut voir. Un décide d'y croire, puis l'autre, il ne croit pas. Voilà. Donc, c'est la foi. C'est l'information. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là? Un décide de croire l'information, puis offrir un sacrifice. L'autre rejette l'information. Puis probablement, Caïn, il va n'en vouloir à Dieu d'avoir rejeté ses parents du jeudi, puis il n'était pas juste. Puis là, il va réagir mal avec ça. Donc, c'est ça que ça s'ensuit, là. L'attitude dans le sacrifice, tue le frère, ment à Dieu, ça s'amplifie son affaire. Mais là, son cœur qui est rebelle à Dieu, là, s'exprime, là. C'est pour ça que vous allez voir tout au long de l'Ancien Testament, avant de parler d'élection ou de grâce, il faut toujours qu'il y ait de l'information qui va être donnée. Ici, l'information vient d'Adam et Ève. T'as ta main gauche qui décide. Oui, qui fait des choix. Donc, mais si je n'ai pas d'information, savez-vous que l'élection ne sert à rien? Si je n'ai pas d'information, même si je suis un élu, je ne peux pas rien faire. Toi, tu disais, il faut avoir l'info. L'Évangile est là, il faut en parler. Parce que ça sent... Puis, j'ai quelqu'un a posé la question à John Piper cette semaine. Pensez-vous que Dieu pourrait sauver quelqu'un, un élu, sans qu'il entende? C'est sans qu'il entende. Est-ce qu'il dit non? Il dit non. Je vais faire une réponse quoi? Non! Là, il a expliqué la réponse pendant 15 minutes. Mais je veux être certain que vous me compreniez. C'est non. Il faut qu'il entende, il faut qu'il reçoive de l'information. Okay? Puis l'information, dans notre ère, à nous autres, du christianisme, c'est par la prédication. C'est ce que Paul nous dit. Puis le fait d'être élu, mais c'est le fait que tu vas la recevoir. Tu vas la recevoir. Mais tu ne sais pas que tu es élu tant que tu ne l'as pas reçu. Okay? Mais si, c'est juste par déduction qu'on dit que c'est l'information qui vient là-dedans. Donc, c'est la déduction, je dirais, normale. Si j'ai deux êtres humains qui n'ont pas connu l'événement, Adam et Ève dans le paradis, comment la savent-ils de ce que Dieu-là existe? Il faut que les parents leur disent. Ou pendant que Dieu serait venu par lui-même et leur dire, j'existe, là, vous ne savez pas, mais j'existe. Là, il leur a parlé. Parce qu'ici, on voit bien qu'il parle à Caïn, là. Enfin, qu'il parle encore. Excusez-moi. Si ce n'est pas les parents, il y a juste un autre qui reste, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Qui a la... Mais ça revient au même. Il reçoit l'information, puis il réagit mal à l'information. Mais Dieu, il lui parle bien à Caïn, je trouve. Bien, je crois qu'il ouvre une porte ici, là, quand même. Il ouvre une porte. Hey, le péché va revenir, là. Il l'enseigne. Mais domine-le, là. Domine-le, laisse-toi pas faire. Mais il se laisse faire, il se laisse embarquer. Mm. Il tue son frère. Et là, on a le verset 9. C'est qui, Alain? Chantal, t'en veux ça? Tu nous as fait juste ça, toi? Ben, moi, je serais L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère, moi? » Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe, pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Donc, si on a la réaction, Dieu vient vers Caïn, il pose la question simple. Où est ton frère Abel? Et Caïn lui ment en pleine face. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Il ment Dieu en pleine face. Je ne le sais pas. Puis là, il essaie de justifier son mensonge, puis de cacher ce qu'il a fait. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Donc, mais il ne savait pas, lui, que Dieu il voyait tout. Là. Non, c'est ça que je te dis. On n'est pas, pas dans la Nouvelle Alliance. Ouais. C'est dur pour nous autres de se mettre dans le bain de ces gens-là qui n'ont pas toute la connaissance. Puis là, on dit, oh, j'apprécie la connaissance qu'on a, nous, dans la Nouvelle Alliance, maintenant. Puis là, à ce moment-là, il n'y avait pas la même information que nous. Et là, Dieu va intervenir. Et là, Dieu va amener un jugement ou un châtiment sur Caïn. Il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche et pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Lui, il était cultivateur. Maintenant, il dit, la terre va ne plus te donner sa richesse. Tu seras plutôt un vagabond sur la terre. Donc, c'est un peu un cultivateur comme tu l'as été. Tu vas devenir un vagabond sur la terre. Il ne va pas avoir une grande culture, il est à Rénius 4, là, fait que ça devait être juste un petit jardin de maison. Là. On ne va pas... C'est normal, non? Non, on parle parler, là. On n'irait pas dans le nombre des chiffres, comment ça a été vite ou pas vite, mais on voit qu'ici, Dieu est juste. On avait vu la justice de Dieu avec Adam et Ève quand ils ont puni parce qu'ils avaient péché. Ici, il est encore juste. Quand l'homme pêche contre Dieu, il faut toujours savoir que Dieu est juste. Tu l'as tué ton frère, Caïn. Et là, je vais te mettre une conséquence que je fais avec tous les êtres humains, dans tous les temps, dans tous les âges, ce que je vais faire. Tu pêches contre moi, il y a un jugement qui va en découler. Il y a une conséquence à tes actions. Contre moi, Parce que c'est pas juste, je me souviens de tout mon père, bon, François, il dit, moi, je fais du mal à mes voisins, mais je ne pêche pas jamais contre Dieu. Vous voyez, c'est la perception de mon père. Mm-hmm. Je pêche contre les êtres humains, mais pas contre Dieu. Exactement. Puis Caïn, ici, il sait bien que pécher contre Dieu, puis Dieu le fait comprendre, c'est contre moi que tu as péché, mon chum. Là. C'est moi. Tu as attaqué celui que j'aimais, celui à qui j'ai amené mes faveurs. Tu l'as attaqué, tu l'as tué. Tu t'es attaqué à moi directement. Par ricochet, tu t'attaques à moi directement. C'est pour ça que Jésus va amener le principe plus loin. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, vous rejette. Et ça va devenir tout au long. Là, remarquez bien cette pensée-là. Tout au long de la Bible. Si tu t'attaques à celui que Dieu a accepté, tu t'attaques à Dieu directement. Et tu es condamné. Tu n'as même pas besoin de parler, puis dire, c'est con Dieu, j'ai eu. Juste en touchant celui que Dieu aime, je suis en train de dire ouvertement, j'ai eu celui qui t'a mis en place. Donc, on va le voir avec Abel, on va le voir avec Seth, on va le voir avec Noé, on va le voir avec Satan tout aussi, le temps. On le voit avec le serpent. On le voit avec Satan aussi. Oui, en même temps, Satan a eu un jugement parce qu'il a touché ce que Dieu aimait, Adam et Ève, à ce moment-là. Mais c'est toujours la même chose ici. Et remarquez bien que le Caïn et sa descendance, la lignée de Caïn, n'accepte pas les déclarations de Dieu. N'accepte pas la révélation qui existe, ce qu'il veut, ce qu'il aime. N'accepte pas les jugements portés par Dieu, favorables, non favorables. N'accepte pas les conséquences, la justice de Dieu, le rejet. C'est trop sévère ce que tu me donnes là. C'est bien trop sévère. C'est pas correct. J'ai entendu ça combien de fois. Si Dieu est bon, pourquoi il envoie en enfer? T'sais, il n'est pas correct. Il n'est pas juste. Donc c'est toujours comme ça l'être humain qui est pécheur. C'est comme ça que l'être humain agit. Ça, c'est la mort. Ça, c'est un être humain pécheur. Mais en même temps, on a vu un être humain pécheur comme Abel qui peut prendre une décision de, finalement, d'accepter ce que Dieu a dit. Pas qu'Abel était plus saint que Caïn. Ah, tout! C'est un pécheur! C'est un mort spirituellement! Mais quand Dieu lui dit quelque chose, j'y marche pas la foi! Dieu le dit, c'est vrai! Si Dieu dit que c'est correct, c'est correct! Si Dieu dit que c'est mauvais, c'est pas correct! Donc, lui, c'est pas qu'il est bon, là, il se voit pas. Puis Dieu n'a pas dit à Abel, oh Abel, tu es bien plus gentil que ton frère Caïn. Ah, non, pas tout. Mais il dit, t'acceptes. Quand moi je parle, t'acceptes. Tu crois quand je te parle. Donc, c'est ça qui fait la différence entre lui et Caïn. Et non pas les légumes ou la viande ou le moi, je ne fais jamais de péché, puis l'autre en fait plus. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée que quand moi je parle, c'est juste. Puis quand Dieu va faire plus loin, quand Dieu va dire à Noé, Noé, là, je t'avertis, là. Toute la face de la terre, tous les êtres humains que tu connais, je vais tous les tuer, là. Oui, Seigneur. Fais-toi un bateau. Oui, Seigneur. Embarque dedans avec les animaux. Oui, Seigneur. Il embarque, finalement. Il est dans le bateau. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des petites idées, des petits sentiments qui ont passé, mais finalement, il est sur le bateau avec les animaux. C'est ça qui fait la différence. C'est pas qu'ils sont bons, puis qu'ils sont justes, puis qu'ils sont sains, puis qu'ils ne font pas de problème. C'est des gens qui croient quand Dieu parle, ils disent oui, tout simplement. Ils disent oui. Tu as raison. Oui, mais ses fils étaient dessus de on va y revenir. La même trente. On va y revenir. OK? Ici, là, il dit que Caïn refuse le jugement de Dieu, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi Dieu lui met une marque sur le front? C'est-tu sur le front qu'il dit? Une marque. J'ai déjà entendu sur le front. Non, il fait un signe sur Caïn, on ne sait pas où. Bon. Il fait un signe. Pourquoi est-ce qu'il veut empêcher les gens de le tuer? Alors, j'invite ça de la place à l'imagination, mais je dirais que il y en a qui disent que c'est qu'il veut qu'il continue à souffrir sur la terre. OK, il va souffrir. Ou il lui donne du temps pour réagir comme il faut. Peut-être les deux. Ça peut être les deux, oui. Ça peut être un. Parce qu'il dit, si quelqu'un le tue, il va être vengé sa foi. Mais là, il met une marque pour pas qu'il soit tué. Fait que c'est comme si c'était. Fait que, tu sais, un annule l'autre, là. Mm. Il ne pourra pas être tué, on lui met une marque. Tu sais. Mm. Mais si quelqu'un le tue, il va être vengé. Caïn va être vengé sa foi. Même en mariant qu'il ne le tue pas, moi, ils mettent une marque. Pourquoi okay. La première? Pourquoi la deuxième annule la première? Si quelqu'un tuait Caïn, Dieu décide s'il veut que Caïn meurt, c'est moi qui vais le faire mourir. Mm-hmm. Si quelqu'un veut tuer Caïn, moi je vais le venger Caïn, parce qu'il va contre moi, celui-là. Mm-hmm. Tu vas contre moi si tu veux tuer Caïn. Moi, j'ai décidé de laisser vivre Caïn, mais comme vagabond sur la terre. Donc, c'est si moi, j'ai okay. moi j'ai pas le droit de tuer des hommes que Dieu décide qu'il va tuer un jour ou l'autre, puis il va faire mourir un jour ou l'autre. C'est Dieu qui va décider quand il va mourir, comment il va mourir. Mais vouloir de tuer Caïn, tu es encore en rébellion contre Dieu. Dieu dit non, non. Moi, là, je veux pas qu'on fasse mourir. Je vais faire mourir quand je vais vouloir, de la façon que je vais vouloir. C'est pas à vous autres, les êtres humains. Parce que même s'ils sont juste quatre, il y en a trois contre lui, là. Mais non, depuis, il y en a juste deux, il y en a juste les parents. Parce qu'Abel est mort. Oui, mais là, s'il y a peur de rencontrer du monde qui pourrait le tuer, c'est parce qu'il y a d'autres mondes aussi. C'est là. Ce qu'on peut penser. Mais c'est pour nous autres, c'est pour nous autres très difficile de situer les événements. Oui. Puis comment c'est arrivé, puis que... Puis on n'a pas les âges, on ne sait pas, il y avait-tu 100 mais, ans? Ou... Mais ouais. ils ont moins que 130 ans, parce que Seth va naître à 130 ans, donc c'est avant 130 ans. OK, donc ils n'ont pas plus que 130 ans, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc ils ont peut-être 100 ans, 75 ans. Mais il n'y avait pas eu ces deux enfants-là, là, parce que s'il y en avait d'autres, gens sans terre... Il a fallu qu'il ait des sœurs et d'autres frères. Oui, la Bible va nous dire plus loin qu'il y a eu d'autres frères et d'autres sœurs. Okay, ça, on le sait. Mais on ne sait pas comment. Avant de 130 ans. Est-ce que lui voit, puis quand il pense que les gens vont vouloir le faire mourir, parce que c'est la norme, on va voir plus loin que Caïn, Adam et Ève savent que Caïn a tué Abel. Donc, il a-tu peur de ses propres parents, premièrement, qui vont vouloir le faire mourir parce que il a-tu peur d'avoir le même sort de la part de ses propres parents? Peut-être oui, je ne sais pas. Mais on n'a pas toutes les données qu'on aimerait. Moi, j'appelle ça des questions techniques. Quel âge, comment, combien il était, où il était. C'est des questions techniques. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de Dieu, c'est clair. Dieu est comme ça. Yes. Dieu est comme ça. Ouais. C'est ça qui est important de savoir. Si on continue à aller, on va avoir des réponses en s'en allant, des choses qui vont dire, ah oui, ok, c'était comme ça. Ah, okay. Mais pour le moment, ici, Dieu dit, tu n'as pas le droit d'enlever la vie, c'est moi qui enlève la vie. Que ce soit d'un bon Abel ou d'un méchant Caïn, c'est moi qui enlève la vie. Puis après le déluge, c'est ça que vous ne savez pas encore, mais après le déluge, il va dire, mais... Maintenant, là, je vais vous donner le droit, si un homme tue un autre homme, tue-le. Là, il va changer la norme. Là, il va lui dire, OK, si on avait été après le déluge, là, il aurait dit aux hommes, tuez Caïn. Mais après le déluge, il va changer la norme. Avant le déluge, non, touchez pas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe encore d'établi par Dieu. C'est moi qui établis les principes. Moi, ce que je vois de plus que je l'ai fait encore une fois la Genèse, Dieu, il dit, c'est moi qui rentre, c'est moi qui détermine les communs, les quand, les où. C'est moi, c'est pas vous, les êtres humains. Vous avez pensé qu'en prenant de l'arbre de vie, vous aviez le droit, puis vous avez décidé qu'est-ce qui est bien et mal. Mais non, c'est moi qui décide. Moi, quand je vous dis c'est bien, quand je vous dis c'est mal, c'est mal. Quand je te dis de tuer celui-là, c'est bien. Quand je te dis de ne pas le tuer, mais c'est mal si tu le fais. C'est moi qui détermine qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, c'est pas toi. Puis on avait appris quand on s'approche d'un texte, là, comme nous, on était braqués sur l'offrande, puis le choix de l'offrande, puis tout, on regarde les deux hommes, tout ça, mais on dit, c'est quoi que Dieu veut montrer de lui dans le texte? On passe à côté, on est tout dans le... Ça, absolument, c'est plus clair. Au lieu d'aller direct, c'est quoi que Dieu révèle de lui dans ça? Mais j'ai des questions, j'en ai des questions, vous savez, comme quand je pose des questions. Mais quand je regarde ce que j'apprends de Dieu, bien, ça, c'est clair. Dieu accorde sa grâce à celui qui marche par la foi. Oui. Pourquoi il marche par la foi? Parce qu'il l'a entendu de ses parents, puis peut-être, ou de Dieu lui-même. Et l'autre, lui, il ne marche pas par la foi. Puis on le voit par la suite. Ment à Dieu, tue son frère, ment à Dieu, puis refuse le jugement. Parce qu'on va voir que nous autres, là, on est comme Caïn et Abel, finalement. On va recevoir de l'information, nous autres aussi. Puis à un moment donné, il va falloir passer comme Caïn et Abel aussi. Hein. On va-tu accepter le jugement sur Dieu, de Dieu sur nous? T'es pécheur, mon François. T'es un rebelle. T'es mon ennemi. et tu mérites la condamnation éternelle à cause de ça. Je vais-tu l'accepter ou je vais dire, c'est trop sévère? Moi, si je vais l'accepter, je dis, Seigneur, tu as raison, c'est ça que je mérite. C'est ça que je mérite. Mais je vais t'offrir maintenant la foi, je vais t'offrir le sacrifice de Jésus-Christ. Et là, tu vas pouvoir dire, je crois, et là, je vais te laisser passer, je vais te faire grâce. Mais c'est moi qui établis les normes, c'est moi qui fais comment tu vas m'approcher. C'est pas toi qui établis ça. C'est pas toi qui fais les décisions. Donc ici, Dieu dit, tu ne touches pas à celui que j'aime, mais tu ne touches pas à celui que je marque non plus. C'est moi qui décide. He's the boss. C'est moi, I'm the boss. Je décide ça. Et quand on va arriver après le déluge, je dis là, je vais vous le dire maintenant. Si quelqu'un tue un homme, même si c'est un chien, vous tuez le chien. Mais si c'est un autre homme, vous tuez l'homme aussi. Donc vous avez, là je vous donne le droit. Si un homme tue un homme, vous avez le droit de prendre sa vie. Mais pas avant le déluge. Avant le déluge, ça n'existe pas. On a l'exemple avec Caïn ici. Et là, on a la postérité de Caïn. On ne va pas tout le lire. C'est l'heure qu'il est, là. Quasiment et demi. On va tout le lire, mais je vais même finir avec vous autres. À la fin, ici, on a cinq générations. De Caïn à Lémec, il y a cinq générations. Puis on voit le péché s'amplifier. D'abord, la polygamie qui s'ajoute. Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est ce qu'on appelle le chapitre 1. Homme, une femme, un homme, c'était le plan de Dieu. Et là, maintenant, suite, ça commence, c'est plusieurs femmes. OK? Puis là, à la fin, verset 23, il se vante d'avoir tué deux hommes. Là. Puis là, il s'en vante. Là. Puis là, il dit, hey, écoutez bien mes femmes, là. Quand elle, on va le venger 7 fois, mais moi, ça va être 70 fois 7 fois. Ou 70 fois, comment est-ce qu'il dit ça? 70 fois, 7 fois, c'est ça. Non, 77 fois. Donc, à vrai dire, moi là, il n'y a pas peur, il n'y a pas de crainte, il fait juste amplifier le mal, ça s'amplifie de génération en génération. Cinq générations plus tard, on se vante d'avoir tué du monde, puis mon père, mon arrière-père, il en a tué un, puis ouais, je vengeais 7 fois, ben moi là, j'en ai tué deux, on va me venger 77 fois. C'est le péché qui règne, c'est le péché qui se manifeste dans la race humaine. Plus on s'en va vers le mal, vers Noé, là, plus ça l'amplifie, ça. Mm-hmm. Mais on a l'autre petit côté de la médaille, quelqu'un qui va remplacer Abel, versets 25 et 26. C'est qui à lire? On saute entre le chapitre 10. Oui, là, on s'en va au verset. Okay. 25, verset okay. 25. On n'avait pas lu 16 à 25. Non, je ne vais pas le faire, c'est trop, ça va prendre trop de temps. 25. Adam s'unit encore à sa femme, ils eurent un fils, Ève la placette. Elle disait en effet, Dieu m'a accordé un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Là, on sait, les parents le savent que ça, qu'il l'a tué. Mm. Et même si c'était caché, comment ils ont su ça? C'est-tu Dieu qui lui a dit, ou si finalement Caïn lui a dit, ou si ça s'est répandu, il y a peut-être une couple de sœurs entre les deux, puis une des sœurs. On peut s'imaginer, on peut sortir. Mm. Mais ce qu'on a ici, Abel, ils le savent. Okay? Est-ce que moi j'ai l'impression que finalement il s'en est vanté, comme les mecs se vantent. Les êtres humains pécheurs se vantent de leur péché. C'est ce qu'on fait, les êtres humains pécheurs. On se vante, on est fiers de nos péchés en général. Verset 26. Seth, à son tour, eut un fils. Il l'appela Enos. C'est alors qu'on commence à prier le Seigneur en l'appelant par son nom. On commence à prier donc, le Seigneur en l'appelant. Ici, un descendant de Seth, qu'on appelle Enos ou Enoch, je ne sais pas comment on doit le prononcer, c'est à ce moment-là qu'on commence à invoquer ou à prier le nom de l'Éternel. Comme avant, on ne le faisait pas. Il faisait des sacrifices ou des offrandes, mais il ne semblait pas s'adresser à Dieu. Mais ici, on a quelqu'un qui invoque Dieu, parle avec Dieu. Ont-tu une compréhension? Si tu commences, on n'a pas vraiment d'idée comment, qu'est-ce que ça voulait dire pour Seth, mais il prie Dieu, il parle avec Dieu, il s'adresse à Dieu. Pour les gens de l'époque de Moïse, pour les autres, ils ont pas mal conclu, ben, il prie Dieu. C'est comme ça que je comprends. Mais remarquez bien ici, on se pose la question, me suis posé la question, il invoque Dieu pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? C'est la question que je me suis posée. Mm-hmm. Prie Dieu, mais pourquoi? On n'a pas vraiment d'idée, là, clairement. On pourrait penser qu'il invoque Dieu parce que ça va bien. Tu veux dire qu'il prie Dieu? Il adore Dieu? Ou ben non, s'il invoque Dieu. C'est le mot invoquer. Mais on pour obtenir des grâces. Sachant qu'on veut tout avoir quelque chose. Mais le mot invoqué a une connotation de crier. De supplication. De supplication, puis de crier. Oui. Puis là, si on voit là, qu'il y a eu une multiplication avec des gens qui se vendent de leur mal, il y en a qui ne sont pas bien de ça. Ceux qui ont un cœur pour Dieu, fait que c'est peut-être suite en lien avec ça. Moi, j'appelle ça que l'invocation ici de quelqu'un qu'on appelle Enos ou Enoch. C'est parce que ça va mal. C'est parce que ça va mal dans le monde. Il commence à sentir le poids du péché. Puis là, on est 6-7 générations, là. On s'en va, là, tu sais, là. On s'en va après, là. Enoch, c'est la quatrième. T'as Adam et Ève, eu Abel, t'as eu Enoch, 7, tout ça, t'as Enoch. Ça fait 4 générations, à peu près, qui sont là. Donc, combien? Là, il y a 130 ans. Ça fait 130 ans qu'Adam et Ève sont nés. Donc, on ne sait pas combien de temps qu'ils ont resté dans le paradis. Ils sont sortis de là. Comment ça fait de temps maintenant? On sait qu'il y a eu Abel à 130 ans. On est au chapitre 5, l'âge d'Adam et Ève, quand ils ont eu Enoch. Donc, mais dans le chapitre 5, là, on va voir, je vais résumer le chapitre 5 parce que je veux qu'on arrive à la fin. Dans le chapitre 5, on donne la descendance d'Adam jusqu'à Noé. Là, on a 7 jusqu'à Lémec. Pas 7, mais Caïn jusqu'à Lémec, dans le chapitre 4. Dans le chapitre 5, c'est de 7 jusqu'à, ou d'Adam jusqu'à Noé. Donc, l'auteur va résumer 1500 ans, ou 1000 ans, 1100 ans, 1200 ans d'histoire dans la génération de 7, du côté de 7, ou de ceux qui croient en Dieu, ou que ceux qui acceptent ou qui marchent par la foi avec Dieu. Mais dans tout cela, il va y avoir au milieu de la. Qui va commencer à nommer les gens, tout le monde meurt. Ils ont eu des fils et des filles et ils meurent. Mais il y en a un qui ne meurt pas. Il s'appelle Enoch. Enoch, c'est marqué, il marchait avec Dieu et a eu des fils et des fils, mais lui, il ne meurt pas. Dieu vient le chercher, il l'emmène avec lui. Oh, on a le droit de se poser la question. Pourquoi? Pourquoi celui est-il à part? Mais il donne une expression qu'il ne donne pas aux autres. Il marchait avec Dieu. Puis ça va être la même chose qui va arriver avec Noé. On continue à descendre, on arrive Lémec, un autre Lémec. Lui va avoir un fils. Et il va dire, il va s'appeler Noé, et c'est lui qui va nous emmener le repos. Ou qui va nous délivrer. Remarque bien comment ce qu'il va dire. Là, je suis au verset... 24. 28. Non. Là, on est rendu à... 5. On est... Lémec, 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera. » Remarque bien ce qu'il dit. « De nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » C'est pas... Je ne vois pas une acceptation ici. Là. Je ne vois pas quelqu'un qui semble se soumettre à ce que Dieu a fait. Mais Noé, lui, il va être décrit comme celui qui marche avec Dieu aussi. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête quand il a vu Noé. Je ne pense pas qu'il voit Noé que Dieu va envoyer un déluge. Je ne pense pas qu'il voit ça. Mais il espère. Il espère être délivré de la vie difficile qu'ils vivent. Parce que la vie est devenue de plus en plus difficile. Plus on avance, plus c'est difficile. Parce que le péché, c'est ça que ça fait. Le péché, ça n'embellit pas le monde dans lequel on vit. Ça détruit le monde dans lequel on vit. Ça l'amène la destruction, autant morale que toutes sortes d'affaires. C'est un va s'empiffrer, l'autre va souffrir, l'autre va se tuer, l'autre va prendre trois femmes, l'autre... C'est comme ça que c'est ça que le péché fait dans la vie des gens. Puis ici, je vois en Lémec quelqu'un qui il espérait que quelque chose arrive qui va les libérer de cette terre maudite dans laquelle ils vivent. Et c'est que, puis ça vient de Dieu. Puis c'est vrai, c'est Dieu qui avait maudit la terre. Puis c'est pour que ça soit difficile. Mais La race humaine n'accepte pas ce fait-là. C'est ça qu'on, comme je disais tout à l'heure, on dit, si Dieu serait bon, ça ne serait pas comme ça sur la terre. Si Dieu serait bon, tout le monde serait en santé, tout le monde aurait de l'argent, tout le monde, ça serait, il n'y aurait pas de guerre. Puis, ça irait bien si Dieu serait bon. Il aurait fait un bon monde, c'est tout. Je suis un tueur, moi je me suis plaint longtemps. Si c'est Dieu qui a fait le monde, il l'a mal fait, c'est de sa faute. C'est pas de notre faute si ça va mal, c'est lui qui a fait le monde. Moi, je suis fait une machine qui ne fonctionne pas bien, c'est de ma faute à moi. Pas à faute d'un autre. Mais comment François de Noé a réconforté des labeurs? C'est qu'avec Noé, là, Noé, c'est synonyme inondation, mort. Oui, mais lui, il ne voit pas ça. Lui, il ne voit pas les mecs, ça. Lui, il espère ça. Il veut okay, ça. C'est comme, OK, c'est pas une prophétie. Non, je pense que c'est. Okay. Lui, il veut ça. Ah. Ça va devenir une prophétie. Ça va devenir, c'est ce qui va arriver, mais c'est Dieu qui va intervenir. Lui, il n'a pas pensé que Dieu va tout faire nous noyer, là. C'est pas ça qu'il pense. Non, il pense qu'il va emmener. Il va sauver quelque chose. Mais en fait, c'est ce qu'il va faire. Parce que de ça, par sa vie. De par ce qui marche avec Dieu, et Dieu va lui donner, il va lui donner grâce, il va lui donner vie, il va tuer tout son côté. Donc, c'est le. Oui, oui, oui, mais pas dans le sens que lui le comprend. Non. Non, pas. Mais il y a, comme on va dire, comme, tu sais, comme quand ils espéraient en Jésus-Christ, ils ne savent pas comment il va arriver. Non, c'est pas pantoute comme ils pensent, mais. Dans les chemins de Dieu. Ils savent là, que ça va arriver. Mais ici. Je pense c'est un peu ça, peut-être. C'est l'être humain a toujours l'espérance, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Que la génération qui vient va trouver des solutions aux problèmes du monde dans lequel on vit. On va trouver une solution de s'en sortir un jour. Ben, nous autres, non. En tout cas, on peut plus, on pense plus ça. En tout cas, on sait que c'est ça. Là, on est des croyants. Non, ouais, c'est okay, ça. On est des croyants. OK. Mais avant, oui. Jusqu'à oh, oui, aller, mais on entend là, ce qui se passe. Moi, là, c'est juste clair, le fait d'aller sur la planète Mars, c'est ça que ça veut dire. On va s'en sortir de Mars dans lequel on vit. On va s'en trouver une autre planète. Ouais, on va s'en trouver une autre planète qu'on a peut-être détruit, là, s'ils admettent qu'ils l'ont détruit par leur pollution ou quoi que ce soit. On va en trouver un autre monde. On va s'en sortir. Ah oui, c'est clair. On pense toujours que la technologie, que la science va amener, va enlever des souffrances, que la science va amener des solutions à la maladie, à la pauvreté. On va s'en sortir. Parce que le pécheur croit ça. Oui. Le coucher ne pas ça. Puis je crois que les mecs, est comme. L'être humain n'a pas changé, on est toujours pareil. C'est qu'on est, toujours. Mais on est dans des époques différentes. Mais l'être humain est comme ça. Il pense qu'il va s'en sortir sans Dieu, sans avoir besoin de Dieu. C'est comme ça qu'on est. Et là, si vous me permettez, parce que là, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire ça plus tard un autre jour, je veux qu'on aille au chapitre 6, puis qu'on voit la conclusion de ce qui va arriver. Là, on a vu la descendance de Caïn, qui finit vers le mal. On a la descendance de Seth. Dans cette génération-là, hein, juste quelques-uns, finalement, vont marcher avec Dieu. T'as un Seth, t'as un Enoch, t'as un Enoch, t'as un, finalement, un Noé. Noé. Mais la grande majorité s'éloigne de Dieu, même à travers ça. Oui, parce que quand même, 8 puis 900 ans, là, il y a eu d'autres hommes, d'autres filles. C'est multiplié. Ça fait peur, moi, je trouve. Mais c'est comme ça que, c'est un principe de base. Même ceux qui reçoivent l'information, qui y croient, finissent toujours par s'en éloigner jusqu'à certains points. C'est pour ça que je vous dis l'Église, 150 ans à mort, en général, parce qu'on s'éloigne, c'est la nature. Chaque génération doit réengager sa vie avec Dieu. Ça ne se bâtit pas d'une génération avec l'autre. Toi, moi, on accepte Jésus-Christ. Nos enfants doivent prendre la décision eux-mêmes de se repentir devant Dieu et de croire. Sans ça, ça tourne mal, encore une fois. Donc, tu ne peux pas empiler sur la bonté de tes parents ou sur la décision de tes parents. Quelqu'un disait cette fois, j'écoutais un témoignage. Moi, j'ai été élevé dans une famille qui croyait en Dieu. Mais elle dit, je ne me suis pas converti à votre âge, j'ai quasiment 50 ans. Il faut qu'un jour, elle décide de s'arrêter et de se repentir et de croire. Il faut que ça commence là. Sans ça, tu vas juste ressortir tes péchés de la semaine que tu es un pécheur. J'aimerais qu'on voit la conclusion de Dieu. Ce que Dieu va faire en conclusion du péché qui se développe, qui s'amplifie. Verset 1, qui va lire? C'était Denis, je pense, à lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le Seigneur dit, « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs, il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » En ces jours, les géants étaient sur la terre et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver les filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc ici, c'est la conclusion de 1600 ans d'histoire, ou à peu près. Dieu dit, « Je vais mettre fin à ce que j'ai créé. » Donc, les filles des fils des hommes et les filles des fils des dieux, c'est comme ça qu'on dit? Les fils des dieux, ou les fils des hommes. Je crois que c'est la pensée ici. Il y a deux façons. Il y en a qui pensent que c'est des anges, les fils des dieux. Il y en a d'autres qui parlent, c'est ceux de la lignée de Seth, ceux qui invoquaient Dieu, ceux qui parlaient de Dieu, mais qui ne marchaient pas avec Dieu vraiment, qui ne suivaient pas l'enseignement de Dieu. J'en ai une ici qui dit une traduction. « Les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient belles et jolies et en choisirent pour les épouser. » Pourquoi je pense que ce n'est pas des anges? Je vais vous donner mon opinion. Vous pourrez y réfléchir. Tout au long de ce qu'on a vu dans les premiers 6 chapitres, Dieu a dit tout au long, chacun va se reproduire selon son espèce. Tout le temps. À tous, les animaux, les êtres humains, les oiseaux, tout le monde se reproduit sur l'espèce. Ici, on a supposé de penser qu'il y a deux espèces qui vont se reproduire. Mais il dit non, ça ne peut pas être ça. Selon moi, ça ne peut pas être ça. Un ange, selon ce qu'on peut même comprendre dans les Écritures, ils ne sont même pas sexués. Donc, puis même s'ils posséderaient un homme, ça ne change pas l'ADN de l'homme. OK? Ça ne change rien. Donc, ça ne peut pas produire des enfants véants. Parce que ces géants-là qui sont sur la terre vont mourir au déluge. OK? Ils vont mourir, ils vont rester juste Noé. Mais après le déluge, on en retrouve des géants. Donc, c'est pas les anges qui ont fait des géants. Parce qu'on en retrouve après, donc il faudra encore supposer qu'il y a d'autres anges qui sont revenus. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dirait ça. Donc, ici, c'est des. Les géants, je crois que ça représente des peuplades qui étaient des gens plus grands que les autres, qui existaient. Tout ce que l'auteur veut faire, le déluge est arrivé au temps des géants et au temps des héros de l'Antiquité. Il cite l'époque. Mais moi, je vais vous donner une idée, là, vous y réfléchirez, puis moi, je vais y réfléchir encore aussi. Je crois ici que le verset 4 nous apporte à voir l'œil de l'homme sur les hommes. Quand on a des géants ou des héros, ça veut dire quoi pour l'être humain? Quand vous avez un héros, vous autres, ça veut dire quoi? On est tourné vers. On l'idéalise. On l'idéalise. Oui. Moi, je crois que c'est ça que l'auteur veut nous dire. À cette époque-là, nos regards étaient tournés vers les hommes. Et les hommes pensaient qu'ils étaient rendus à un stage de développement, je ne sais pas quoi, de héros, de géants. Je ne suis pas sûr que c'est ça, mais j'essaie de comprendre le verset 4. Parce que l'auteur est en train de me dire, voici pourquoi Dieu a détruit la terre. Il faut que ça fasse du sens là-dedans. Donc, j'ai des paquets de questions techniques, encore une fois. Mais pourquoi me dire le verset 4? Parce qu'on aurait pu passer du verset 3 et m'en aller au verset 5 puis dire, voici ce que je vais faire. Pourquoi me dire le verset 4? Ça donne quoi? Ça m'explique-tu pourquoi Dieu va détruire la terre? Il y en a qui disent, c'est parce que les anges, avec les filles des hommes, ça a produit une espèce de demi... Qui aurait fait les géants. Ça aurait fait une forme de race humaine au-dessus des autres, mais ça, c'est, je crois que ça fait partie de la mythologie. Puis si on dit que les anges, ils sont sans sexe, pourquoi que c'est juste des anges mâles qui vont vers des filles femelles? Ah ouais, ça, c'est encore une question. Oui, parce qu'il devrait y avoir des anges femmes qui vont vers des hommes. Mais si ça serait ça, là, entre moi et les autres, je vais vous poser une bonne question. Ça marche pas, c'est sûr. Non. Mais en même temps, il y a une autre question. Vas-y. Le déluge, quand il va venir, les anges, ils s'en foutent, ils vont s'en aller. Si Dieu veut détruire le monde, il va les anges ne seront pas détruits à cause de ça, non? Les autres sont venus, ils vont s'en aller, puis le déluge va tuer juste les êtres humains. Puis une fois, si c'est des anges, les êtres humains sont quasiment comme des victimes, etc. Là. C'est les anges qui ont vu les filles belles. Mm. Puis les anges ne vont pas mourir au déluge, Jésus les... Est-ce que c'est Dieu? Ça fait pas de sens dans ma tête que Dieu ferait mourir la race humaine parce qu'il y a des anges qui viendraient prendre des filles. Ben là, on pourrait dire, ah, ils les ont acceptés, donc ils sont coupables, moi, ils font mourir. Mais là, les anges vont subir quelles conséquences, eux autres, de ça? Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt le verset 1 jusqu'à la fin du verset 4, ça montre l'attitude des hommes. Les hommes sont rendus à ce point-là. Ils adorent les hommes, et ça va rejoindre tout le Nouveau Testament, ça va rejoindre l'Ancien Testament aussi, que l'être humain adore la créature au lieu du Créateur. L'être humain se tourne vers la créature au lieu du Créateur. C'est comme, toujours comme ça s'est passé. Et c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'au déluge. Donc les êtres humains se sont faits des héros, se sont faits des... Moi j'appelle ça des géants. Fait que c'est pas des géants physiquement. Mais même si c'est ça, on les a probablement... Je pense que c'est des géants qui étaient plus grands. On les a vus comme des super... La race supérieure. Les vedettes de l'époque. On les a élevés par leur physique, on pourrait dire. Et les autres par les héros, ça serait comme peut-être leur capacité, leur connaissance, leur intelligence. Moi, ce que l'auteur est en train de me dire, c'est comme ça que les gens pensaient. Mais leur cœur était continuellement tourné contre Dieu. Continuellement tourné contre Dieu. Et Dieu a décidé qu'il va les détruire. Et là, on a la question du déluge qui va venir par après. Donc, mais ça, c'est la raison. Donc, après le déluge, je ne sais pas si on va le faire, parce qu'on va tomber dans Thessaloniciens après les fêtes, Dieu va trouver un homme, Noé, qui marche avec Dieu, comme Enoch. Mais lui, au lieu de l'enlever, il dit, tu vas te construire un bateau. Il va le protéger. Oui, il va le garder. Encore une fois, je vais décider comment vous allez être sauvés. Parce que Noé, il est comme les autres. C'est un pécheur, c'est un perdu, c'est un mort spirituel comme tout le monde. Mais quand Dieu parle, il écoute. Mais Dieu, il dit, je vais te sauver, Noé, mais c'est pas toi qui vas décider comment tu vas être sauvé. Je vais te dire comment tu peux être sauvé. Tu vas te bâtir un arche. Avant le verset 8, quand il décide de détruire les êtres humains, il décide de détruire les animaux avec. Pourquoi? Pas d'êtres humains, pas besoin d'animaux. Okay? On détruit les deux. Parce que les animaux sont là pour les êtres humains. Fait que si j'ai plus d'êtres humains, pas besoin d'animaux. Mais si je garde un être humain, oh, je vais garder des animaux avec, parce qu'ils vont avoir besoin d'animaux pour vivre. Parce qu'après... Les animaux font partie du cycle de la vie là, sur la Terre. Donc, si je veux que mes... L'écosystème. Ouais, voilà, l'écosystème. Si je veux que Noé respire, il faut qu'il y ait des vaches qui chient, qu'il y ait de l'herbe, qu'il y ait des arbres, puis qu'il y ait de l'oxygène, finalement. Donc, je vais garder des animaux. Oui, puis là, les vaches, ils polluent à ce temps. Ah ouais, maintenant, ils polluent. Il faut quasiment les mettre des couches. Mais pourquoi est-ce que Dieu... Là, je vais répondre à la question de Yvon Talon. C'est juste Noé qui trouve grâce. Mais pourtant, il sauve sa femme, ses trois fils, ses trois femmes-là aussi. Pourquoi comment est-ce qu'ils sont sauvés par défaut? Noé, il ne pouvait pas prendre soin de toutes ces affaires-là tout seul. Là. Ouais, là, t'es de quel côté administrateur. Ah ouais, mais en même temps, je ne suis pas laissé Noé seul. C'est une logique. Là. Pas laisser Noé tout seul, puis il faut que la Terre se reconstruise quand même. Noé, il va vivre 300 ans après. Adèle, il aurait pu se reproduire. Seul à reproduire. Ben, se reproduire avec quoi? Avec sa femme. Mais là, sa femme est à mort. Ouais, mais... Il n'aurait pas pu se reproduire. Sa femme est pas aussi bonne que lui. Là, non, mais est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Il a dit qu'il y a juste... Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Sauf par défaut, ou par... Non, mais il va avoir son plan là-dedans, là, mais moi, je pense aussi que son plan, c'était de justement, d'avoir un noyau autour de Noé pour aider à la reconstruction. Okay. Je vais vous donner une autre explication. Une autre explication. Vous pourrez choisir comme vous voulez. C'est sûr. Entièrement okay. À Carole. Oui, oui, elle n'est pas bonne tout de suite en partant. Non, elle pas... Parce que vous allez voir que j'ai raison. Parce que ça va. Tout le restant de la Bible va dans la même direction. Quand vous comprenez quelque chose, là, vous dites, si j'ai bien interprété, je vais le revoir tout au long de la Bible. Quand vous êtes dans le Nouveau Testament et vous interprétez des textes, vous êtes appuyé par l'Ancien Testament. Mais quand vous lisez dans l'Ancien Testament, si vous interprétez bien l'Ancien Testament, vous allez être appuyé par le Nouveau Testament. Parce que la Bible est comme ça. Tout à l'heure, on a vu quoi de Caïn et Abel? Pourquoi Abel a eu la foi, finalement? Parce que son père lui avait parlé. Qu'est-ce que Noé a fait pour penser avec ses fils? Il a parlé à ses fils. Il a dit à ses fils que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a pour faire? Ah, puis ils ont cru. Puis ils ont cru. Voilà, ils ont été sauvés par la foi comme les autres. Ils ont embarqué dans le bateau. Quand il va arriver pour détruire Sodome et Gomorre, il va dire à Lot... On prend ça. As-tu des fils, des filles, puis des gens d'ici? Non, Lot, il dit oui. Il dit, avertis-les. La Bible nous dit que ces gens n'ont pas cru. Ouais, ils sont morts dans Sodome et Gomorre. Sa femme n'a pas cru, ben elle est morte là. Dieu n'a pas pensé à la progéniture. Voyez-vous comment est-ce que Dieu ne pense pas comme ça? Oui, progéniture, vous en faites pour rien. Les deux filles, vous me savez, les deux filles tout à l'heure. Et nous, on dit, ben ouais, mais il faudra qu'il gardera quelqu'un pour faire une succession. Et Dieu ne pense pas comme ça. Il n'y a pas rien qui va venir changer le côté spirituel et moral de Dieu. Tu as péché, tu meurs. Ça va être cette année-là. Je vais m'occuper du restant par après. Mais moi, si je te donne ça, tu meurs. Mais on peut-tu dire, le fait que les trois fils de Noé l'ont aidé à faire le bateau démontrait la foi, leur foi. Ben oui, ben oui, pas ça. Juste une obéissance à papa, mais la foi dans le but de ce qu'il fait. Ben oui, c'est ça. Parce que sans ça, il aurait continué avec les autres. Ah. Ils ont dit, non, Dieu nous a dit qu'il y avait un bateau, puis qu'il y avait un déluge qui s'en est, tout le monde va mourir. Accepter ceux qui sont dans le bateau, ben on aide notre père parce qu'on croit que c'est vrai. On aide notre père à bâtir le bateau parce que ça va devenir notre plan de salut à nous autres aussi. Donc là, ils manifestent leur foi dans les œuvres qu'ils sont en train de faire autour d'eux autres, c'est tout. Mais sa femme était là aussi, à Noé. Oui, sa femme, elle a cru aussi. Ouais. Pourquoi qu'on ne me souvient plus, là, mais plus tard, il va faire l'amour avec ses belles-filles. Non, ça, c'est Lot. C'est plus tard. Bon, on est milliers. On est milliers en fait ça. C'est bien que ça parle là, des mauvaises réputations. quand on raconte une histoire, on saute des étapes. On mélange les étapes. On trouvait ça, on a ça. C'est pour ça qu'à la TV, dans le dernier film, ils ont mis Lot avec Noé dans l'arche. Oui, c'est ça. C'est vrai, je ne m'en souviens pas. C'est toute une histoire de fou, ça, cette film-là. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que ça va devenir un principe de base pour toute la Bible. Dieu choisit un représentant. Si je crois à ce que le représentant dit, je suis sauvé avec lui. Ceux qui vont croire Abraham vont être sauvés avec Abraham. Dieu a envoyé un autre représentant un jour qui s'appelle Jésus. Et ceux qui vont croire à Jésus vont être sauvés avec Jésus. Donc, c'est toujours le même principe qui revient tout le temps en avant. Dieu envoie un représentant. Si je ne crois pas le représentant, Dieu me condamne. Si je crois le représentant, il va me sauver avec la même grâce que le représentant. Ce qu'il va dire à Abraham, celui qui va succéder à Noé dans notre histoire, ceux qui vont te bénir, je les bénirai. Ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Okay, donc, c'est comme ça que ça marche. Puis Noé, tout à l'heure, il va dire, Noé lui-même va maudire un de ses fils, parce que son fils rit de lui, parce qu'il l'a vu dans sa nudité. Il dit, toi, tu vas être maudit maintenant. Il maudit son fils de la part de Dieu. Tu ris de celui que Dieu a choisi. Tu es maudit. Les deux fils rentrent du reculant pour ne pas voir la nudité de leur père. Dieu dit maintenant, vous allez être bénis. Ça veut dire, si tu ris de celui que Dieu a choisi, tu es maudit. Si tu l'honores, tu vas être béni. Ça marche demain, c'est toujours demain, c'est tout au long de la Bible, c'est comme ça. C'est toujours demain, on n'a pas besoin de se casser la tête, c'est toujours demain. Donc quand j'arrive à Jésus, puis que Dieu dit, j'ai envoyé Jésus, mon représentant sur la terre, et vous croyez, dites, ben oui, Dieu a toujours fonctionné demain. Depuis Adam et Ève, depuis Noé, depuis Abraham, ça a toujours été comme ça. Donc c'est ma façon de croire, ça marche. C'est comme ça avec David aussi, comme on le voit dans le psaume. Donc ici, on va terminer avec le repas du Seigneur, pour faire ça tellement long, on comprend pourquoi il y a eu besoin d'avoir quelqu'un qui vienne. Quand on voit ce qui s'est passé jusqu'à Noé, et que Dieu détruit la terre n'est pas meilleure aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était l'arche, le moyen de salut, pour ceux qui croyaient. Pour nous autres, c'est Jésus. Jésus devient l'arche. Jésus devient le moyen. Dieu dit, à cette époque-là, le moyen que j'ai mis sur la terre, c'était l'arche. Aujourd'hui, le moyen, c'est Jésus. Ceux qui croient en celui-là vont être sauvés. Donc, et depuis ce temps-là, il y a des milliers de gens qui ont cru, finalement. Et l'apôtre Pierre va sortir, là, même le déluge, l'arche, va en ressortir comme image. Donc, c'est l'image qui... L'Ancien Testament nous donne des images pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Donc, il dit, ah, c'est pas surprenant. Je suis pas surpris que Jésus est mon grand prêtre. Il y a eu des grands prêtres pendant 2000 ans dans l'histoire de l'Ancien Testament, avec Aaron et tous ses descendants. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste qu'il a changé la formule. Maintenant, il va y avoir un grand prêtre pour toujours, qui est Jésus. Donc, c'est toujours la même vérité qui s'en vient là-dedans. Nous, on va prendre le pain, on va prendre la coupe, pour se souvenir. S'il n'y avait pas cela, le jugement de Dieu nous atteindrait comme le déluge a atteint les gens de ce temps-là. C'est la même chose pour nous autres. Donc, Jésus devient notre arche par sa mort à la croix. Donc, c'est vraiment spécial. Donc, si tu veux passer les coupes et toi, prendons le pain, les sors là du petit sac. Et on va en passer le pain et la coupe. Merci. Merci. C'est pour ça qu'on dit que notre Dieu est immuable. C'est pas qu'il ne change pas les communs. C'est toujours la même personne qui fait des choses différemment, mais c'est toujours le même Dieu. Je suis saint, tu pèches, tu meurs, mais je vais dans ma grâce, dans ma miséricorde, je vais toujours t'offrir un moyen de salut. Une fois, c'était des habits d'animaux, d'autres fois, c'est un arche, d'autres fois, c'est la loi. Il y a toujours, je t'offre toujours, là, ça manifeste toujours cette grâce-là qui revient. Donc, en prenant le pain, nous, on ne bâtit pas l'arche. Mais notre œuvre, à nous, on dit, je crois ce que Jésus nous a dit. Si je me repens et crois, Dieu va me faire grâce. Bien, on croit. Et on fait le repas du Seigneur pour le montrer. Mangeons le pain qui représente ses souffrances à la croix. Ensuite, depuis la coupe, représente mon sang, donc ma mort, pour vous. Je prends votre place. Je meurs afin que Dieu soit propice et vous fasse grâce. Buvons. Merci, notre Père du ciel. Nous acceptons à 100% ta sainteté, ta justice. La condamnation du monde à cette époque était justice. La condamnation du monde à notre époque va être aussi justice. Et on croit aussi à ta grâce. Ta grâce envers Noé, envers Abel, envers Enoch. Ta grâce envers nous à cause de Jésus-Christ. Puisses-tu être béni éternellement pour ta bonté qui se manifeste ainsi. Amen. Amen. Amen.